retour pour une sous-cinquième saison encore plus folle. Goustique. Hey Jamy, t'as vu ce que je viens de trouver? Oh, une châtaigne. Oh, t'as déjà vu une châtaigne de cette taille? C'est un hérisson. Kogumaza. 12 cm pour seulement 350 grammes. Et il a pas un poil sur le caillou. Eiki. Cet animal a l'étrange particularité d'avoir deux pattes plus courtes d'un côté que de l'autre afin de progresser aisément sur des pentes abruptes. Dandy. Passe un temps fou à se toucher, à se renifler. Tagazou. L'animal se met à absorber de l'eau, beaucoup d'eau. Il va gonfler, gonfler, s'épaissit et durcit. L'infernal. Ça y est, Jamy, regarde, j'ai trouvé mon bonheur. 4 mètres de long, 40 kilos. Quelle bande de dégénérés. La voix du geek. Tous les mardis, 19h21h, sur Eau de Radio. Il est 19h. Retrouvez l'Infernal et son équipe dans La Voix du Geek, l'émission 100% jeux vidéo sur O2 Radio. Non, c'est pas vrai. Alors tu montes le son et tu fermes ta gueule. Allez, salut à tous, bienvenue dans La Voix du Geek saison 5. Mesdames, messieurs, nous sommes en direct, on est parti pour 1h30. Ce soir, 1h30 de jeux vidéo et de bonne humeur comme chaque semaine. Et oui, car ce soir, juste après l'émission, dès 21h, il y a les acoustiques qui sont en direct de d'Ambarès-la-Grave pour un bon concert en direct sur Eau Radio. Et ça, c'est cool. Ah, attendez, hop, je me monte un petit peu là. Et voilà, c'est magnifique le son qui sent bon la garrigue. Allons, on est de retour. La semaine dernière, on a pris une petite soirée de repos, on va dire. Mais là, on revient, on est encore plus en forme que jamais. Et on a plein de choses à vous dire et plein de choses à vous raconter. Parce qu'il y a des news, en veux-tu, en voilà. Comme si dans pas longtemps, il y allait avoir un festival ou un salon de jeux vidéo, je ne sais pas. Il se passe quelque chose hein, dans l'univers vidéoludique. Mi-mai, début juin, il y a des choses qui traînent un petit peu sur Internet. On va vous en parler dans un instant. Bref, évidemment non, comme toutes les semaines, je ne suis pas seul, mesdames, messieurs. Il est là, il est beau, en plus il est venu accompagné de ses doubles boules même, je dirais. qui font des bruits bizarres. Tagazou, mesdames, messieurs. Oui, bonjour à tous. Oui, ça fait bizarre, double boule, hein. On pense que c'est Sphéro, BB8, ah. Voilà, j'ai trouvé ça ce week-end. Et donc, je m'amuse comme un petit fou aller partout. C'est le BB8 de Star Wars téléguidé. Voilà, téléguidé, qui coûtait très cher à l'époque. Là, j'ai trouvé moins cher, donc. Baisse un petit peu ton micro, si tu veux. J'ai craqué. Ah oui, tu me vois pas. Mais voilà, oui, voilà. C'est pour ça, ah, et oui. Ouais, voilà. Donc, j'ai craqué. Donc, voilà, je m'amuse comme un petit fou avec ma fille. BB8 est dans la maison, où il est BB8, il est dans la cuisine, oh, il arrive et tout, voilà, on s'éclate. Bah ouais, tu m'étonnes. Hein. Ah oui. Voilà. Yes. Bon, t'as joué à quoi toi cette semaine? Ben toujours, je vais changer Zelda. Encore? Mais tu t'en lasses pas? Mais je suis à 80, donc c'est par petit épisode, voilà, je me fais une petite partie de temps en temps, ça me fait plaisir, allez, j'ai trouvé 2-3 sanctuaires. Et non, je m'en lasse pas. Voilà, c'est un jeu qui dure. Le truc, c'est que voilà, j'ai des périodes où je touche pas du tout pendant 3-4 jours et puis d'un coup, voilà, ça me prend. Là, j'ai envie d'y jouer. Voilà, yes. On sait pas pourquoi. Bon, c'est cool. Alors apparemment, il y a le stream qui vient de crasher, donc je m'en occupe. Et puis Léla, elle est venue nous rendre visite. C'est Sgrog, mesdames, messieurs. Salut à tous. C'est sympa de m'avoir sorti de la cave. Hein. Ça faisait quelques semaines que vous m'aviez oublié dedans. Alors attends, je relance le stream en même temps. Bon, t'as joué à quoi toi? Apparemment t'as joué à plein de trucs. Bah ouais, moi je me suis fini donc le Mad Max sur PC, que je me suis bien amusé. J'ai aussi fini une première fois le Mass Effect Andromeda, donc, et que je viens de relancer en New Game Plus. J'ai aussi réattaqué le Dragon Age Inquisition. Ah, très bien. Alors, c'est du BioWare, mais franchement c'est du magnifique. Ah, j'avais bien aimé moi. En plus c'est vrai que c'est BioWare, mais tu peux taper des petits délires, hein, faire des petits camarades, des petits copains, des petites copines, mais d'autres espèces. J'avais réussi à m'accoupler avec un gros monstre rouge avec des cornes. Ah oui, le Kunari. Le Kunari, voilà. Et après, si là, un petit jeu qui traînait aussi sur le PC, j'ai relancé Shadow of the Mordor. Ah, j'étais complètement passé à côté de celui-là, moi. Moi aussi, j'ai pas. Et pourtant, il me plaisait bien. Quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai dit oh oui, il faut que je me le fasse, et non. Ouais, ça partait d'un bon sentiment. Et puis je sais pas, in-game, il y a un truc. Il y a un petit quelque chose qui manque. Ouais, je un sais côté pas. Assassin's Creed trop copié peut-être. Oui, c'est vrai. Ouais, un, ça, ah, oui. Seigneur des Anneaux Assassin's Creed en fait. T'as pas l'impression de nouveauté. C'est ouais. Vrai. Carrément. Bon, yes, apparemment le stream est reparti. C'est bon, Maudie. Ouais. Eh ben, c'est nickel. Bah moi, bonne petite semaine. Et comme je disais hors antenne, j'ai acheté Mario Kart. Ouais. Sur la Switch. Bienvenue. Alors, chez nous. Ok. Joueur de Mario Kart. Quoi. Alors non, franchement, il y a des trucs qui sont cool. Voilà, c'est un bon Mario Kart et tout sur la Switch. Et d'ailleurs, c'est ça que je voulais te dire. Mais en fait, t'as vu là, les mensongers que c'est. On peut pourquoi pas y jouer à 4 sur le petit écran. Non. Non. Et non. Parle, et, de toute façon, je crois sauf qu'on l'avait vu à l'E3. Si, si. Si, on peut jouer à 4. Si, si, on peut jouer à 4 sur le petit écran. Ah bon ? J'ai pas mais trouvé. Mais en moi. Mode. C'est en mode versus, voilà, c'est ça la combine, c'est-à-dire que quand on arrive dans le menu, on peut jouer à 4, que tu le mettes sur ton petit écran, t'es à 4, ou que tu le mettes sur ta Switch, tu d'accord. Peux jouer à 4, mais tu peux pas jouer avec en mode local avec à 4, avec deux consoles, deux Mario Kart. Non, okay. Il faut avoir 4 consoles et 4 Mario Kart, parce que en mode local, tu peux ne jouer qu'à 2. Dans le menu, c'est simple, ils ont bloqué, alors ils disent que c'est parce qu'il est moins beau à 4, il y a une perte de framerate, mais c'est surtout qu'ils veulent vendre du Mario Kart et que voilà, ils se disent s'il y a plus de monde qu'à une Switch et ils vont acheter du Mario Kart de luxe et comme ça ils joueront en local et tout, mais c'est un peu dommage quoi, ils le font à 4, ça marche versus ils auraient pu faire deux consoles à 4. Alors du coup je m'amuse beaucoup, mais comme je t'ai dit hors antenne, moi j'hallucine sur l'IA de Mario Kart dès que t'arrives en 200cc. Mais c'est insupportable. Ouais, 150 aussi. Hein. Ah oui. Ah ouais, ouais, ah, parce que je me suis dit, bah ça va, j'ai un peu d'expérience et tout, j'ai commencé direct en 200. Mais je me suis fait allumer la face, quoi. Mais un truc de dingue. Et puis c'est toujours pareil. T'es quasiment premier tout le temps, pendant puis, tout le. Ouais. Et puis voilà, t'arrives à 50 mètres de la ligne d'arrivée, puis tu te fais allumer la tronche. Quoi. Surtout que maintenant, la joue de la deuxième du deuxième item permet de faire des combos de fou. Attends. Parce que voilà, ils ont pas changé en fait au niveau des items. Ah oui, deux en même temps, tu veux dire. Voilà, deux en même temps. L'aléatoire des items, c'est-à-dire que tu peux arriver toujours à être troisième, quatrième et avoir trois rouges. C'est complètement affreux. Et même deux doubles, trois rouges. Imagine six rouges que t'as derrière, t'as gagné. t'es quatrième, tu remontes. Et c'est dommage, ils ont même pas essayé de, alors faudrait que je fasse beaucoup de parties pour voir si peut-être ils l'ont amélioré un petit peu au niveau des items. C'est vrai que quand t'es premier, t'as pas, voilà, quand t'as toujours des trucs pour protéger, des bananes et tout. Mais c'est vrai que c'était un peu le reproche que je faisais. Et là, le double item maintenant te permet de faire des combos de fou et de remonter assez bien. Bah ouais. Donc c'est vrai que bah du coup c'est du sport quoi. Mais toi on nous dit tiens bonjour au chat d'ailleurs. Il y a Isil de Maratorian, Nathan Drake. Il y en avait plein tout à l'heure et vu que le stream a planté, ils reviendront peut-être. Il y a Marator qui nous dit le 200cc, faut être habitué au Mario Kart en effet. Oh bah moi je pense 200cc c'est du what the fuck. C'est pas les circuits ne sont pas prévus pour du 200cc très clairement et que. C'est vrai que c'est tendu, ça va hyper vite. C'est trop tendu, donc c'est pour rigoler entre amis. Mais le vrai Mario Kart reste, je pense, 150cc. Ouais. Ça a été pensé pour ça. Yes. Par contre, ce qui est bien dans cette version, alors je sais pas si c'était le cas dans les DLC ou quoi, mais il y a deux circuits d'F-Zero. Oui, c'était le cas. D'accord. Il fallait acheter tous les DLC. C'est pour ça que moi je me sens un peu floué d'avoir acheté les DLC parce que il y aurait eu deux circuits, enfin voilà, quatre circuits en plus, moi ça m'aurait fait un peu plaisir, Les gens qui ont acheté tous les DLC, ils se retrouvent avec juste les arènes. Voilà, le mode bataille qui est sympa. Hein. Ouais, le mode bataille. Moi, j'aime bien. Alors, franchement, sur la 64, on a passé des après-midi entières à se Ils ont noué un peu avec la 64. Ouais, non, c'est très très bien. J'ai joué à ça. On a joué aussi à Little Nightmare qu'on a fait en stream, qui est très bien. Alors, on voulait en parler ce soir, mais on le fera la semaine prochaine parce que Kobu a adoré. Et ça aurait été bien qu'il soit là pour nous en parler. Donc Little Nightmare, c'est la semaine prochaine. Donc à la volée, voilà, ce soir on parle d'Outlast, mais je vous dirai ça après. Et là, alors tiens, j'ai un autre truc à vous dire aussi. Et je me suis lié d'amour à Plante vs Zombie 2. C'est un truc de ouf. Ah bah je vais faire le platine enfin. Dessus. Non mais j'adore, je sais pas pourquoi. Ah ben moi le Plante vs Zombie 1, je l'ai eu sur 360 au hasard, chez un marchand et tout qui le vendait pas cher, je l'ai fait et j'adore. Mais bah pareil. Voilà, et le 2, mais je kiffe, mais c'est un truc de ouf, toi, c'est coloré et tout, il y a de l'humour, franchement, j'adore ce truc. Et ça plante, fait, hein. Mais j'en suis à genre 30 heures de jeu, tu vois. C'est un Tower Dungeon, comme on appelle, Tower Defense, ouais. C'est Tower Defense plutôt. Et on doit défendre, son petit jardin, mais il y a plein d'humour. Ah, j'adore, moi. Franchement, je suis à fond dedans. Et j'ai vu Assassin's Creed, le film. Parce qu'on va parler un peu de cinéma. Est-ce que vous l'avez vu? Pas encore, je l'ai acheté, je l'ai récupéré, mais j'ai pas pu le voir. Alors? Bah, franchement. Bah moi j'aime bien. Ah toi t'aimes bien. Ouais. Et je trouve que l'image elle a une teinte, mais c'est un truc de malade. C'est genre un espèce de bleu nuit mélangé avec du vert anglais. C'est un truc de ouf. Et un peu doré. L'image, elle a un grain juste génial. Alors l'histoire, c'est un peu. Bah, franchement, ça va. C'est du bon Assassin's Creed, mais bon, le problème, c'est Marion Cotillard, quoi. Ah. Alors elle, plus elle vieillit, plus elle est nulle. Hein. Ah non, mais sérieux. Non, mais Marion, si tu nous écoutes, on te salue. En plus, elle se redouble elle-même, la meuf. Ouais, ça c'est affreux dans versions. Faudrait que je réécoute en VO, mais elle parle comme ça, elle a une voix super douce. Tu sais, attention que si tu rentres dans l'animus, t'as envie de lui dire, mais arrête quoi. Ah non, je te jure, franchement. Mais sinon, le film est très bien. Moi, j'ai bien aimé. Bref, ce soir, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est pas ma tasse de thé, mais c'est un bon jeu. Eh ben oui, c'est comme ça. Mais tu vois, en fait, c'est pas si mal. Ce soir, bon programme. On va parler. Attendez, j'ai un problème en fait en régie. J'entends. Ah, est-ce que c'est mieux? Oui, voilà, c'est bon. Non, mais en fait, il y avait cette enceinte qui faisait un patacoufin. Et depuis tout à l'heure, je me dis, mais c'est dans le casque ou en fait, non, ça vient de là. Bref, mais donc ce soir, bon programme, on se fait toutes les news jeux vidéo de la semaine et il y a du croustillant. À la demi, on s'écoute. Alors attends, parce que c'est Taga qui a choisi Egoustic. Alors attends, le temps que ça recharge. C'est Electric Light Orchestra de Mr. Blue Sky. Voilà. Alors, ah putain, alors il y a quelqu'un qui a été nous mettre la lecture Mix, automatique. Volume 2, Gardien de la Galaxie. Voilà, c'est deux titres encore des Gardiens de la Galaxie. On vous en fait bouffer vous toutes les semaines. Moment, ça y va. Quoi. Mais voilà, là c'est le volume 2, on allait le voir. Donc c'était l'occasion vu qu'on va en parler ce soir. Carrément. Donc justement, juste après, on vous parle des Gardiens de la Galaxie 2. Alors moi je l'ai pas vu. Est-ce que tu l'as vu ce Grog? Non, je le vois samedi. Yes. On fera sans spoil. Ouais, ça marche. Alors il y a Goustic qui arrive, qui doit être dans les transports en commun et qui est chaud patate aussi à vous en parler. Je pense qu'il a aimé. Juste comme ça, un petit teaser, c'était bien. Oui, c'était bien. Yes. Bon, ça c'est cool. À 20h, on s'écoute. Alors c'est The Chain avec Fleetwood Mac. Voilà. Ou c'est le contraire. Fleetwood Mac, c'est le nom du groupe. Ok. Et The Chain. Yes, on écoute ça. Et puis après, on va parler d'Outlast 2, le jeu qui fait peur, ou pas trop. On va vous dire ce qu'on en a pensé. Moi, je suis un peu déçu quand même. Hein. Ah, ouais, carrément, carrément. Ça. Bon, est-ce que vous voulez que j'envoie la musique des news? Oui. Alors, on est parti parce qu'on est des ouf. Eh ben, vas-y. Alors, en plus, là, il y a des news de malade. Ben, moi, je commence à une news bizarre. Puisque 18 ans après, figure-toi qu'en Allemagne sort la version de Half-Life non censurée. Eh ben attends, j'envoie les applaudissements quand même. Bravo à l'Allemagne. Ils ont un peu relâché la bride. Bon, on sait qu'en Allemagne, voilà, ils ont un problème avec le sang dans les jeux vidéo depuis des années. Et quand le jeu est sorti Half-Life en 98, eh ben la mouture de Half-Life, il y avait des... Sur le jeu, il avait été complètement refait avec, au lieu des organes, c'était des petits ressorts métalliques qui sortaient des monstres. Et clonk, ma gueule. Voilà, les scientifiques qui, alors, je sais pas si vous vous souvenez d'Half-Life parce que ça remonte quand même. Le 2, on s'en souvient, mais alors le 1, il y avait par exemple une scène où tu étais dans un tunnel où il y avait un scientifique et sa tête explosait. D'accord. Et là, le scientifique, il disparaît, tout simplement, voilà, c'est où il s'assit, il disparaît bizarrement. Enfin, si vous voulez regarder les vidéos sur YouTube, c'est très marrant à voir, hein, parce que tu te dis, mais pourquoi ils ont fait comme ça? Mais ils avaient pas le choix. Donc, donc on dit bravo quand même à l'Allemagne pour avoir un petit peu relâché la bride. Il était temps. Donc vous pouvez trouver tout ça. Et après il y a d'autres jeux hein, qui ont, je comprends après comme Wolfenstein 3D, oui, surtout en Allemagne. Enfin oui. Le dernier, voilà, c'était un peu ils ont remplacé les croix et tout par d'autres choses. Il y avait les Call of et tout. Je sais pas si tu te rappelles de cette mission russe au début où t'es un terroriste. Oui, oui. Alors là, il n'y en avait pas. Mais des fois, ils suppriment carrément hein, en Allemagne. Ça aurait mérité en France aussi, hein, cela dit. Donc, faut se méfier sur tous ceux qui achètent des versions européennes et tout. Il faut savoir que la version allemande est des fois très différente de la version française. Et ils sont quand même, eux, c'est quand même les champions de tout ce qui est farming simulator, construction simulator. Là-bas, il y en a plein. Mais c'est ce que nous dit Marator sur le chat. Il fait, c'est pour ça qu'il y a tous ces simulateurs à la con en Allemagne. Ils sont Mais ils sont aussi croustillants. Enfin, ils adorent ça. Hein. Ils adorent ce genre de simulateur en Allemagne. Donc, il y a les deux. Hein. C'est un peu la censure qui a fait ça. Et voilà. Donc merci quand même Lineman de pouvoir un peu débrider notre Half-Life et de pouvoir y jouer en version non censurée. Bah, c'est ouf quand même, 18 ans après quoi. Oui, c'est quand même un... Mais bon, c'est voilà. Yes. Allez, tiens, moi j'enchaîne parce que du coup, Yagusti qui vient d'arriver, il faut aller lui ouvrir. On va parler du prochain Far Cry. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une photo assez mystérieuse qui avait été postée sur un Twitter où on voyait... Mais, alors moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça va être un remaster du 3. Et en fait, on a appris... Alors, a priori, alors ça vient d'un article du journal local Grateful Tribune, qu'apparemment ils ont dit qu'il y aura un tournage d'envergure près de Chelsea Church. C'est une église implémentée entre deux anciens forts militaires américains et fortement liée à la période de la conquête de l'Ouest américain. Alors ça c'est Oula. Le petit texte de jeuxvideo.com, on les cite. Hein. Mais et donc voilà, donc les gens se sont dit tiens, ils tournent un teaser, il se passe quelque chose et tout le monde a pensé tout de suite à Red Dead et Rockstar. Oui. Ils s'attaquent quand même à gros là. Bah oui, et du coup. Rockstar a dit ah non nous on n'est pas du tout dans le délire, c'est pas nous quoi. Et donc apparemment ce sera avéré que ce serait Ubisoft. Donc est-ce que ce Far Cry 5 qui est prévu pour 2017 sera un western? Ben voilà, j'ai envie de dire bonne chance hein. S'il y a Red Dead juste avant qu'il passe, j'ai peur que ça nous fasse un Battleborn Overwatch. Mais c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. C'est ça, c'est-à-dire ça sort à une semaine de décalage, même à moi, voilà, il y en a un, il va souffrir hein. Mais c'est ouf quand même. Après on nous dit non, il y a pas de fuite au sein des studios, mais c'est non, bah après Red Dead était prévu et oui, voilà, bon. On savait qu'il allait y avoir une suite un jour ou l'autre. Et peut-être que c'est vrai que ça prend du temps de développer un jeu et ils l'avaient peut-être préparé bien avant et quand ils ont su qu'il y avait Red Dead qui arrivait, ça fait quand même beaucoup de corrélations, tu vois, entre les. Voilà, faut voir quand ils le sortent. Après, peut-être que s'ils le sortent avec 6 mois ou un an après, peut-être qu'il y aura pas de problème. Mais après Far Cry, moi j'aime bien et pourquoi pas. C'est une licence que j'aime bien. Je les ai tous faits. Il y avait peut-être d'autres mondes à explorer pour Far Cry que le western. Quoi. Surtout qu'en face, bon, il y a Red Dead 2 qui arrive. Ils sont mal les man. Et les là, mesdames, messieurs, il vient juste d'arriver. Attends, hop, c'est bon, je vais t'allumer ton micro. Notre goustique national. Bonsoir. Ça fait longtemps. Comment ça va, poulet? Bah écoute, ça va très bien. Je suis un petit peu essoufflé. Et là, quand je vois les joujoux de Tagazu, ça fait plaisir de revenir à la maison. Ah bah écoute. Bon, comment ça va? Ça va. Écoute, c'est vrai que j'étais de moins en moins là dans la voie du geek. Mais bon, obligation professionnelle. Enfin, oui, bref, toi-même, tu sais. Et du coup, voilà, ça va très bien. Je suis allé voir Les Gardiens de la Galaxie. Ah. Non pas 2, mais volume 2. Oui, c'est vrai. Et on en parlera juste après. Et je crois... Attends, sur ma petite fiche jaune, j'ai une news. Une news ciné en plus. Eh bah écoute, c'est très bien, bah vas-y, fais la direct si écoute, tu veux. Eh bah écoute, c'est magnifique. Je vais vous parler de Hellboy. Alors, je sais ce que tu vas dire. Ouais. Tiens, Sgrog, pendant ce temps-là, est-ce que tu peux baisser un tout petit peu les enceintes qui sont là? En fait, c'est ça qui fait le problème depuis tout à l'heure. Donc Hellboy, yes, à son merci. Actif, il y a deux films dont c'est de très bons films de super-héros de Guillermo del Toro, qui est une œuvre originale de Mike Mignola. Et ben sur le Twitter, Facebook de ce dernier, Mac Mignola a annoncé qu'il y aura un Hellboy. Attention, ce n'est pas un 3, ça sera un reboot de la licence. Et alors du coup, nous n'aurons pas le casting original. C'est alors dommage. Adieu Ron Perlman. Oui, mais... c'est vrai que c'était lui. Ouais. Mais bon, il était quand même badass. Il avait la gueule. Il avait clairement la gueule, mais une autre gueule, plus récente, dont il a joué dans Stranger Things et il jouait le shérif. C'est David Harbour qui jouera Hellboy. Attends, c'est qui? À quoi il ressemble déjà? Le shérif. Par rapport à Rod Pellman, l'ancien acteur de Hellboy, j'ai peur qu'il souffre un petit peu de la différence. Il est moins badass quand même. Il a pas une gueule. Et quand même, je trouve qu'il est assez imposant quand même. C'est imposant. Faut voir les premières bandes annonces. Et... Donc voilà. Après, on connaît pas de date pour l'instant. On sait juste que c'est le réalisateur de plusieurs épisodes de Game of Thrones. Donc ça peut envoyer du lourd. Ah oui. Et apparemment, vu que c'est, je crois que ça appartient à la Fox Hellboy, vu les succès de Logan et de Deadpool, les films violents, il sera en rated R, c'est-à-dire en moins de 17 ans. Ouais. Donc ça va taper dans le gras. Donc ça va être la patate de forain pendant 2h20. Donc moi, j'attends que ça, Hellboy. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que... C'est vrai que les épisodes de les deux premiers Hellboys sont pas édulcorés, parce que c'est quand même un peu édulcoré plutôt, mais ouais, mais, tu mais t'as, sens le... que... t'as toute la magie de Guillermo del Toro et tous ces monstres, c'est du fantastique, c'est du fantastique, et moi j'aime bien ce monde un peu onirique qu'il fait dans Labyrinthe et dans Hellboy. C'était un peu le cas et je trouve que ça collait bien à Hellboy. Alors faut voir après, hein, je suis pas contre, hein, mais c'est bizarre quand même de faire encore un reboot. Moi j'aime pas trop les reboots, c'est ça fait Spider-Man et... ouais, mais après c'est pas non plus Peter Parker et Ben Affleck, Batman plutôt. Voilà, Batman. Voilà, je pense que peut-être ça vaudrait mieux un reboot parce que le Hellboy 3, on l'attend depuis au moins 10 ans si quand c'est même. C'est pas le même acteur, voilà. Mais est-ce qu'ils vont vraiment faire un Hellboy 3 du coup? Non, non, non. Alors, à un moment donné, ça a été longtemps teasé avec Guillermo del Toro. Ron Perlman était hyper chaud pour revenir sur Hellboy à une seule condition, que ça soit Guillermo del Toro qui soit 100% sur le projet. Mais il s'est avéré vu que c'est un procrastineur del Toro. Du coup, voilà. Donc, on n'aura pas d'Hellboy 3, mais au moins un reboot. Donc, c'est plutôt pas mal. Ouais, carrément. Donc, ça va donner la banane. Mesdames, messieurs, il y a un revenant. En même temps que toi, tu vas dire, oula, il y a quelque chose. DiCaprio. Il y a quelqu'un sur le chat. Ses initiales commencent par J. Oh. Oh. Oh, et avec J. Alors, James? Non. Non. Ah, il portait un masque de toi, une fois. Ah, monsieur Jonathan Besson. Ah oui, bah oui. Il balance le nom direct. Ah oui, on les applause. Voilà. Et oui, qui habite au numéro de téléphone 06. Et oui, il a déménagé un petit peu dans sa campagne et du coup, il avait pas internet et donc il vient de tout récupérer là. Il a récupéré internet, donc il nous fait un petit coucou, il fait hello les amis, je suis super content de vous revoir en live. Je vous fais des milliers de bisous kékettes, goustique le retour, my love. Arrête. Salut à toi Pampers. Alors j'espère que c'est pas Quentin qui essaye d'appeler parce qu'il a dit qu'il essaierait d'appeler pour faire un petit peu le con avec nous, mais j'espère que c'est pas lui parce que je lui avais dit après 20h. Mais bon, on verra bien. Ouais. Yes, Sgrog, t'as des petites news il me semble. Oui, moi j'en ai quelques-unes. Bah vas-y, bon, déjà, au moins une serait cool. Overwatch qui vient d'atteindre son milliard de bénéfices. Ah ouais, quand même. Oh, ah oui. Et dont la moitié achetée par Ikki. C'est pas faux. Il est pas là en balance, allez, bam. C'est ça. Sachant que en plus le jeu ne c'est, on achète le jeu, on a accès à tous les héros, tout. Et après, ce ne sont que des achats de coffres pour du cosmétique, des choses comme ça. Ah oui, ouais, donc ça va quoi. Donc c'est-à-dire que des choses qui ne sont pas nécessaires, mais que voilà, qui marchent quand même régulièrement. Voilà, qui marchent. Et ils viennent d'atteindre le milliard. Comme quoi, tu vois, il suffit pas de faire un free-to-play de ouf, machin, tu vois, si les joueurs se sentent pas floutés. C'est ça. Bah, en fait, c'est très bien pour moi je suis contre le système d'abonnement et c'est très bien ce modèle économique finalement puisque j'ai acheté le jeu, j'ai un jeu quand même qui remplit voilà le contrat et je joue bien avec et après je peux donner un peu d'argent pour les cosmétiques et tout, mais voilà, c'est pas un système d'abonnement qui me saoule un peu et qui est un peu chronophage. Ou alors t'as l'impression d'acheter tous les nouveaux héros au fur et à mesure qu'ils sortent en payant avec l'argent réel. Là on achète le jeu. Tout ce qui arrive après, les nouveaux héros, tous sont gratuits. Et après, c'est, on paye si on a envie du petit costume ou si on veut essayer d'avoir la tête. Voilà, moi, je trouve ça très bien. Yes. Et puis, une petite news pour notre ami Taga. Vas-y, vas-y. Est-ce que tu as vu cette news Nintendo? Comme putain, quoi, je les ai vus tous. Zelda, le dernier épisode de Zelda, s'est vendu à plus d'exemplaires que de console Switch a été vendue. Oui, j'ai vu ça. Ah ouais? Alors ça c'est tu vois tout de suite les mecs qui les achètent en double, qui gardent un sous blister et un mais alors. Et tout le monde a été surpris. Ah ouais, je les connais. C'est hallucinant quand même. J'en connais le pas mal. Le jeu a été vendu plus qu'est-ce que de console il y a. Je salue tous mes amis qui ont acheté le collector, qui le gardent sous blister, ils ont acheté le jeu, ils ont une Switch, ils ont acheté déjà deux Zelda. Bah oui, c'était évident ça. Voilà, c'est un peu le côté, on va dire, revers de la médaille, c'est-à-dire que les gens ils font un petit peu de collection et puis ils revendent aussi. Ben oui. Eh oui, carrément. Ça spécule sur le jeu vidéo, on nous dit sur le chat, mais c'est trop ça. Vas-y, Taga. Eh ben moi je vais vous parler de Nintendo. Du coup, je vais vous parler après la DS Lite, après la 3DS, après la 3DS XL, après la 2DS, après la New 3DS, après la New 3DS XL. Nous avons la New 2DS XL. Ah, attends, elle est sortie de base en XL. Oui, ils font un effort. Non, mais c'est parce que c'est celle-là. En fait, il y avait la 2DS et maintenant il y a la New. Oui, Nintendo, ils auraient pu faire la New 2DS. Après, la New 2DS XL. Va. Alors, moi, j'ai une pensée pour tous les vendeurs de multimédia, de jeux vidéo qui vont voir les mères de famille, parce que bon, faut bien le dire, c'est quand même une console destinée quand même à des plus jeunes, enfin à des vieux comme moi, mais des plus jeunes, et les mamans qui viennent te demander, alors est-ce que c'est compatible? Alors là, tu commences à leur expliquer, tu vois dans les yeux, elles sont perdues, parce que c'est vrai que là, ils compliquent la vie. Mais voilà, donc c'est-à-dire qu'on pourra jouer donc au jeu New 3DS, au jeu 3DS et au jeu DS. 2DS. Non, il n'y a pas de jeu 2DS, ça n'existe pas. Voilà. Tu vois, en fait, ça se voit que je bossais à la FNAC. Voilà, le fait que ce soit 2DS, c'est qu'il n'y a pas l'option 3D. Moi, je ne sais pas qui joue à l'option 3D. Si vous avez vraiment que sur quelques jeux et encore quelques minutes en maximum. Et qui s'en sert de la 3D sur, parce qu'il les a tous eus, les collecteurs. Ouais, mais après, il les perd à chaque fois. Dans les minutes. Il s'en sert de la 3D, je veux dire. Non, je crois pas. Non, non, mais il n'y a pas beaucoup qui utilise la 3D, donc du coup là, la New 3DS XL et New 3DS était l'argument de vente, c'était ouais, la 3D est mieux, vous avez bougé, vous n'allez pas avoir de scintillement et tout, et là bah non, il l'enlève carrément, donc je pense que adieu la 3D, c'était un petit côté marketing, mais là bah on l'enterre voilà, assez rapidement, quoi. Assez rapidement. Donc, elles sont jolies, hein. Il y a des versions orange. Oui, orange et noir. J'aime orange et noir. Et surtout, elles s'ouvrent. C'est-à-dire que si vous avez vu une 2DS, c'était, ça s'ouvrait pas et tout. Il y avait qu'un écran comme ça. C'était pas très joli. Voilà, voilà. Vive la vente associée, quand même, pour vendre des housses, hein, avec. Voilà. Attention, parce que la 2DS, elle se plie pas, hein, donc c'est fragile. C'était... Bon, on va prendre une housse, alors. Oh, Fisher Price, quoi. Ah ouais, complet. Voilà. Et là, elle se plie enfin. Donc, elle a un petit côté, non, sympa. Je la trouve sympa. Donc voilà, mais il va falloir encore le 28 juillet débourser si vous voulez avoir. Alors après, je ne comprends pas parce qu'il y a pas beaucoup de jeux New 3DS. Il y en a qu'un. Il y a que Xenoblade Chronicle. Il y en a peut-être eu. Il y en a peut-être un deuxième de mémoire. Moi, j'ai que celui-là. Pour l'instant, ils sont vraiment. Il faut halluciner parce qu'ils sortent pas 170 000 jeux, mais ils se font des coups en or, quoi. Faudra que je vérifie, mais il me semble qu'il y avait que celui-là ou peut-être un deuxième. Il y en avait deux, je crois, deux avec juste le logo New 3DS, New 3DS qui était que pour. C'est-à-dire que ces jeux-là ne sont compatibles que sur la New 3DS. Ouais. Donc, et la fameuse maintenant New 2DS. Voilà. Ok, bon, vous avez rien compris, c'est normal. C'est normal, on parle entre fans de Nintendo. Si vous êtes des parents, vous avez un doute, derrière les jeux, sur les boîtes, il y a un petit tableau. Ouais, avec écrit une petite croix rouge. Ouais, il faut bien. Faut le checker. Alors, faites attention parce que c'est en bas à droite et c'est souvent là où il y a le prix. Non, mais je vous dis parce que si. Carrément. Donc voilà, ça sort. Si vous faites plaisir, c'est le 28 juillet, deux jours après mon anniversaire, si vous voulez me faire plaisir. Allez-y. Le message subliminal. Salut Darl, il y a Marator, il fait Nintendo, ils ont une communauté à groupies très fidèle. Et ouais. Non, mais clairement. J'en fais partie. Clairement. Allez, moi j'enchaîne. Tiens, avec encore une rumeur. C'est sur le dernier Assassin's Creed. Alors on en parlait. Ah. Assassin's Creed d'origine. Et donc, eh ben, il y avait des rumeurs comme quoi ce serait sûrement un épisode qui se passera en Égypte. Alors moi je suis pas contre du tout, même au contraire. Et donc bah on a appris quelques petits trucs en plus. On sait que justement, ce sera un monde ouvert, mais un peu à la Skyrim. Ça se rapprocherait plus de Skyrim. C'est ce que des bruits de couloir en interne ont sorti. Et on saura qu'on pourra naviguer dans la Méditerranée et peut-être même faire un tour en Grèce. Peut être sympa. Ouais. Oh, et puis il y aura aussi des batailles navales, évidemment. Donc ça peut être cool quand même. Ouais, non, ça peut être cool. Après, j'espère que voilà. Moi, je suis pour qu'il revienne un épisode plus dans la veine du 3. Tout le monde l'a critiqué, Assassin's Creed 3. C'était pas mon préféré celui-là. Le son. Dernier des Mohicans. Moi j'ai l'impression de jouer comme le film Le Dernier des Mohicans. Ouais. Il m'a beaucoup plu. En plus, c'est là où ils avaient introduit les batailles navales. Ouais. Et après, il y a eu. Il y avait très bon Assassin's Creed 4. C'est un de mes préférés. Voilà. Mon préféré, c'est le 2. Mais c'est vrai que le 4, j'aime beaucoup. Et le 4. Aussi. Et après, c'est là où je pense que c'est parti en cacahuète. Ils ont commencé avec la PS4 à vouloir faire Paris et que Paris. Et finalement. Ça les a peut-être un peu perdus, donc c'est une bonne news si on revient sur l'eau. Alors le truc, c'est qu'il y a déjà une photo qui a fuité et apparemment le gars il serait sur le Nil. Ça peut être sympa. Non, ça peut être sympa. Ça peut être très sympa. S'ils ont prévu un point de synchronisation en haut d'une pyramide, moi je m'y vois déjà, quoi. Ah ouais, non mais si ils respectent l'échelle comme il faut et tout. Tu vois, est-ce que ça t'a pas fait du bien d'attendre un ou deux ans sans Assassin's Creed? Si, voilà, si, on est d'accord, parce que le Syndicate est sorti, celui qui se passe à Londres est sorti un peu trop, voilà, après, on en avait marre. Ouais. Donc là, on est content de retrouver. Carrément. Alors, apparemment, il y aurait même une vidéo en interne où on verrait. Alors, ça commencerait par une vue de l'Égypte antique. Et ensuite, il y aurait alors peut-être un pays asiatique, un complexe industriel d'Abstergo, donc l'entreprise où siège l'Animus, et de la France sous l'occupation. Oula. Ah, ouais, ouais. D'accord. Ça ferait quand même large. Ouais, comme, un grand écart dans le temps. Bah, voilà. Faudrait donc, pas nous perdre trop le joueur dans ces grands écarts. Et c'est prévu pour l'automne 2017. Automne 2017. Okay. Yes. Bon, on s'écoute le disque. Allez, c'est parti. Tu veux lequel en premier? Celui de Goustic. Celui de Goustic. Après. Ah, Mr. Blue Sky. Qui aussi, qu'on peut l'entendre dans un très très bon film, The Eternal Sunshine de Michel Gondry avec Jim Carrey, qui est l'un des meilleurs films au monde. Et dans une excellente pub, celle de. Non, mais quand on dit pas. Sponsorisé par Emmanuel Macron. Sur voilà. une marque de téléphone mobile. Voilà. Mais, et en fait, quand Tagazu il est arrivé, je buguais, je cherchais, mais ça me dit quelque chose. Ouais. En fait, vous allez tilter direct. Bref, allez, les 19h30, vous écoutez toujours La Voix du Geek. Et nous revient dans un instant, on parle des Gardiens de la Galaxie, volume 2. Et on va parler d'Outlast 2 aussi. Deux salles, deux ambiances, comme d'habitude. Allez, les 19h30, vous écoutez toujours La Voix du Geek. On revient juste après Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky. Vous écoutez Eau de Radio, sur 91.3. Everybody smiles at you. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez sur 91.3. 91.3. La voix du voix du geek. L'émission 100% jeux vidéo sur Eau de Radio. Allons, on est de retour, toujours dans La Voix du Geek sur Eau de Radio 411.3 en Aquitaine et sur Eau de Radio.net pour le reste de la Gaule. Un peu après 20h, on vous parle d'Outlast 2, un jeu qui fait peur. Ou pas. Mais avant ça, on va parler un petit peu d'un film. Alors, c'est un petit film comme ça, comme chat. C'est un petit film comme ça, sans budget. C'est la suite d'un film qui a pas très bien marché. Oui, oui, oui. Qu'on a pas beaucoup aimé ici. Ah, et juste avant d'en parler, je fais juste une petite parenthèse. Tiens, on a appris aussi que, alors, ça concerne pas tout le monde, mais Star Wars Battlefront 2 serait possible, enfin, ce serait possible qu'il soit compatible PlayStation VR. Ah. Et voir Oculus et tout et tout. Sachant que Goustix, il y a quelques semaines, je lui ai fait essayer la mission. Ah oui, Rogue One. Là, Rogue One. Ah ouais. Ça peut être cool. Alors, de là à ce que ça devienne un. Tu sais, on fasse la campagne comme ça. Faut voir, hein, parce qu'avec le jetpack et tout, je pense que ça peut. La campagne solo, je veux bien. VR. Après, multijoueur, ça risque d'être un peu chaud, je pense. Mais Moi, je suis chaud, franchement. Ah ouais. Ah bah de ouf. Ah bah oui. On va voir les gars qui se battent en VR. Ils vont être là, ils vont tourner la tête partout sur le champ de bataille, tu vois. Ils vont être paumés, tu sais. Ils vont être là. Tu joues 5 minutes, une lumière et tout. Mais t'as eu un accident de voiture, hein. J'ai joué à Battlefront. Ah, j'ai le coup en vrac, laisse tomber. On a fait un raid sur Roth, mon gars. Ah ouais. Ah, le truc de ouf, quoi. Bref, tiens, comme vous l'entendez dans la petite bande son derrière, pleine d'envolées. Ah là là. Ouais. On reconnaît quand même la patte des films Marvel un peu. Hein. Elle ressemble vachement au thème des Avengers, je trouve, celle des Gardiens de la Galaxie. Ouais. Un peu. Il y a un petit peu le côté héroïque, quoi. Carrément. Eh ben écoutez, vous êtes deux dans la bande à l'avoir vu. Ouais. Ah bah allez-y, on vous écoute. Moi j'ai vu que le 1. Et j'ai absolument rien regardé des bandes annonces du 2. Eh ben c'est très bien. Et bah tout que... comme moi, mon cher Infernal. Ah cool. Donc ça t'a pas tout spoil, c'est très bien. Faut pas les regarder, j'avais poussé un petit coup de gueule aux bandes annonces. Tu sais, depuis Batman v Superman, dès qu'il y a un film qui m'intéresse, je ne regarde plus de trailer, tu vois. Donc, pour pas te mettre un peu trop la hype et puis être déçu à sa sortie. Voilà. Donc du coup, donc j'ai eu zéro info sur les Gardiens de la Galaxie 2, que ça soit au casting, que ça soit au niveau de l'histoire. Et je pense, bon, on va revenir un petit peu sur le premier volume qui a été un peu, comme tout le monde, la grosse surprise. C'est vrai. Ah oui, pour le coup, oui. Hein. Parce que Marvel Studios n'y croyait absolument pas. Des Gardiens de la Galaxie. Ah pas du tout. Ça a été juste un film, allez hop, on le place là parce que niveau calendrier, on savait pas quoi mettre. Donc du coup, on a mis les Gardiens de la Galaxie. On le donne quand même à un réalisateur de génie. Moi, je pense qu'il faut voir le film Super. Si vous avez pas vu Super, c'est un film de James Gunn, donc le réalisateur. Qui avait fait des épisodes de Scooby-Doo, qui avait super, qui était scénariste des deux scénariste dans deux Scooby-Doo, mais qui avait films, fait les dessins animés, les films. D'accord. Ah ouais, donc très connu pour pour son humour, mais voilà, c'était peut-être pas le réaliseur à qui il aurait fallu confier un Marvel. Mais voilà, ils ont tenté et à regarder Super, c'est un super film. OK, voilà. Non, c'est un Kick-Ass, c'est dommage que Kick-Ass est sorti parce que du coup on compare trop à Kick-Ass et il y a Ellen Page qui est géniale dedans, enfin faut l'avoir vu parce que il y a d'ailleurs un twist énorme et j'en dis pas plus donc ce monsieur a énormément d'humour et ça a donné les Gardiens de la Galaxie 1. Alors, juste une parenthèse, toi qui es hyper calé en comics, Goustique, est-ce que le comics il marche? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est hyper populaire ou est-ce que Il faut savoir que les Gardiens de la Galaxie, c'est arrivé au début des années 60, et il faut savoir les Gardiens de la Galaxie qu'on voit, c'est pas la première équipe en fait, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de renouvellement. Et notamment, vu que c'est une adaptation, il y a des modifications sur les personnages. Je vais dire juste un exemple. Star-Lord, normalement, c'est pas un terrien, c'est un extraterrestre. Et Drax, qui est joué par Dave Bautista, l'ancien catcheur. Le gros costaud. Est un humain. Donc, du coup, il y a plusieurs. Groot est un raton laveur. Et Raccoon est un arbre. Exactement. Bon, c'est une liberté scénaristique. Non, par contre, ce qui est très bien dans les Gardiens de la Galaxie 1, ou même maintenant dans le 2, c'est qu'ils font plein de clins d'œil au vrai comics, à la vraie histoire des comics. Donc, ça, c'est chouette parce que moi, je me suis rattrapé entre les deux. Je vous en conseillerais. Enfin, Tomisa, c'est vraiment son truc, les comics côté Marvel, Universe, c'est ça, Galaxy, exactement. Et ben lui il adore ça, il adore d'ailleurs Nova peut-être aura un film à lui tout seul, on verra plus tard, mais voilà, tout ce qui est côté galactique des Marvel, j'ai un peu rattrapé et c'est vrai que ça colle pas tout à fait, même pas du du tout aux comics. D'accord, mais alors, ils ont pris des bons éléments, ouais, ils ont su en tirer un bon avantage et surtout ils ont joué sur le côté essoré le truc. Voilà, le 1 sur le côté humour quand même, ouais, qui est très présent quand même aussi dans les comics. Exactement, ils se prennent, ouais, pas au sérieux, c'est quand même non, une équipe tout de bras cassés, hein, faut bien résumer oui, le premier, hein. Ouais. C'est vraiment une équipe de bras cassés avec des quatre voilà, entités extraterrestres, même s'il y a un terrien, il y a sur le chat. Alors le grésillement c'est résolu les gars. On nous parle de Cosmos le chien, c'est une vanne ou pas? Non, c'est pas une vanne, parce, pas une... Ah, d'accord. Parce que tu le, ouais, croises dans le premier film, le passage avec le collectionneur qui était joué par Benicio del Toro. Ouais. Voilà. Il y a un plan où il montre toutes ses collections, et notamment tu vois le chien Cosmos, c'est un espèce de chien qui est en cosmonaute. D'accord. Et dans le... Je vois Milou dans Tintin moi. Et dans l'une des scènes post-crédits du premier Gardien de la Galaxie, on le voit en train de lécher la joue de Benicio del Toro. Juste avant, d'accord, on va voir un autre clin d'œil avec Howard the Duck. Howard the Duck aussi. Bon, c'est pas du spoil, hein, le film a 2 ans. Un excellent film de George Lucas. amaté au millième degré quand même. Hein. Voilà, ouais, et c'est pas un film pour enfants, quoi, vraiment pas. Hein, donc, et ce chien a été leur leader, enfin, était un petit peu à la base, leur chef, voilà, en arrière. D'accord. Donc tu vois, dans les comics, hein, je parle dans les comics, donc tu vois, c'est complètement mélangé par rapport au film. Même s'ils en font des clins d'œil, voilà, comme ce clin d'œil. Donc, Gardien de la Galaxie 1, très bon souvenir. Ouais, oui, alors, claque, ouais. Et en plus, ce qui a fait un petit peu la force de ce film, moi j'ai l'impression, c'est la bande-son. Oui, ouais, aussi. Parce que ça a pris un peu tout le monde à contre-pied, parce qu'au final, les films de super-héros, c'est souvent ça, quoi. Des gros trucs. Oui, mais là, en fait, c'est introduit. Enfin, c'est dans le film, quoi. C'est-à-dire que c'est... dans le comics, il a son Walkman. Il a autant d'importance. Il en a, mais pas autant. Non. Pas non, autant. Pas c'est, dans les souvenirs, non. Pas dans les souvenirs. C'est pas le truc qui revient le plus souvent. Okay. Là, c'est vraiment mis en avant. C'est okay, ça. Parce que truc, la home zone. Et les années 80. Les années 80, c'est ouais, un peu. Ben, c'est un peu son. C'est pas le délire principal de Star-Lord. Non, du c'est, tout. Il y a des références, mais c'est pas la chose la plus importante. Ok. Voilà. Et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que les Gardiens de la Galaxie, je pense, qui est le premier volume, qui est l'un des 10e films de Marvel, parce que ça fait quand même Marvel Studios, ça fait une dizaine d'années qu'ils sont sur le terrain cinématographique, et ça a apporté quand même un second souffle, dans le sens on a montré un autre univers, alors except Thor bien sûr, parce qu'avec Thor on montrait un autre univers, une autre galaxie, on n'était pas tout le temps sur Terre comme ouais, avec Captain America et Iron Man, et ce qui a apporté de la nouveauté, de la fraîcheur, c'est qu'on a pu voir d'autres univers avec beaucoup plus de couleurs, alors que ce que je trouvais dans les autres films Marvel Studios, c'est terne, c'est réaliste, un peu à la Nolan. Et là, c'est la jouissance totale. Tu vas dans un autre univers, c'est hyper coloré, c'est hyper pop, avec des références bien sûr. Quand tu fais du space opéra, tu penses direct à Star Wars et Star Trek. Et oui. Avec des teintes de Doctor Who au niveau des personnages, au niveau de la plastique aussi. Et c'est ça qui a donné un second souffle et qui a permis aussi aux gens de se dire ah ben tiens, Marvel, c'est pas non plus que Captain America, et ça a permis de connaître de nouveaux personnages auquel on n'avait pas connaissance il y a quelques années. Alors peut-être pour Rocket Raccoon qui était connu sur certains mèmes, ouais, voilà, Nine Gag et compagnie, mais moi je connaissais pas, absolument pas Groot, et je pense que Groot et Rocket Raccoon et ainsi que Star-Lord ont fait partie maintenant, font partie de la pop culture. Ah mais c'est, complètement, c'est... tout le monde, je s'appelle Groot, enfin tout le monde, ça parle voilà, à tout le monde. Voilà, c'est devenu en même pas un ou deux ans des gros piliers de la pop culture, même dans les conventions, tu peux voir des mecs avec un mec déguisé en raton laveur ou avec deux trois branches pour se prendre Groot, tu vois. Ouais, donc, c'est vrai. Donc voilà, ça a apporté une certaine fraîcheur et ça a, je crois que ça a tenu le milliard de recettes dans le monde entier, les Gardiens de la Galaxie. C'est et énorme. Après ce succès-là, eh ben, James Gunn, il a re-signé pour un deuxième volume. Deuxième volume qu'on va en parler. Voilà. Moi, je rajoute aussi l'humour. C'est-à-dire que je trouve que dans le premier épisode, il y a un équilibre. Mais je l'ai regardé encore, il est passé il y a 15 jours. Oui, c'est vrai, il est passé. Oui, et dans les Avengers, ouais, d'ailleurs, le premier... On va pas parler du 2, mais le premier, je retrouve aussi cet humour qui était assez bien fait et équilibré. L'humour de bande, quoi. Ouais, l'humour de bande, ouais, on se charrie et tout. Ouais, et dans le Gardien de la Galaxie volume 1, je trouve que alors l'humour est présent et ils se prennent vraiment pas au sérieux, que l'équipe de Wakase, tu le ressens bien. Et tout ça bercé par les années 80 et puis cette bande son, c'est super bien équilibré. On a un peu les Gardiens de la Galaxie, en fait, ici. Hein. Oui, un peu. Ouais, un petit peu. Bah, c'est une bande. Enfin, c'est un peu. C'est une bande c'est de la voix du Gardiens de la Galaxie. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu dans le sens, c'est, enfin, bon, bien sûr, il y a tout le temps des situations d'action, mais c'est tout le temps décomplexé, mais c'est pas surchargé, c'est pas relou, en fait. Ils doivent toujours sauver le monde. Oui, c'est vrai. Mais ils le font de façon cool, quoi. On n'a rien à faire, on y va. Et en fait, c'est un peu l'idée, En fait, tu vois qu'ils se rendent pas compte qu'il y a la grosse merde, qu'il y a un putain de titan qui va arriver, qu'on nous tease depuis 10 ans quand même, et qu'on arrive à voir pendant un quart d'heure, auparavant, on le voyait juste dans les scènes post-génériques et on payait 10 balles pour avoir ce moment-là quand même. Ouais. Et là, c'est que, voilà, c'est que ils prennent pas conscience des enjeux, et c'est ça qu'on adore, tu vois. Un peu, c'est comme si nous on était dans l'univers Marvel, genre, oh ben on s'en fout, de toute façon c'est un film et tout, on sait qu'ils vont devenir ils vont être dans un deuxième film ou quoi que ce soit, il va y avoir le lien avec les Avengers, tu vois. Enfin, c'est hyper décomplexé et c'est pas relou à dans le sens. Et du coup, les Gardiens de la Galaxie volume 2. Alors, au niveau du casting, nous avons le casting originel, donc Chris Pratt Star-Lord, Zoe Saldana en tant que Gamora, Bradley Cooper dans la mocap de Rocket Raccoon, et Vin Diesel qui est pour moi l'un de ses plus grands rôles. Qui joue Drax. Et après, je ne dirai rien sur le reste du casting, parce que si vous êtes comme moi, vous êtes informé de zéro, de rien du tout, ben vous allez être agréablement surpris, surtout par la référence des années 80. Ah ouais, et j'en dis pas plus. Y a ça, juste, c'est énorme. Il y a juste. Il y a David Hasselhoff. Non. Bah, il y a la bande son qui tourne sur le net, donc c'est quoi? Il fait juste, il fait juste la musique, ou peut-être, il... peut-être, voilà. On verra. Ok, on en dit pas plus. J'en dirai pas plus. Au niveau du scénario, est-ce qu'il arrive en courant comme ça sur une plage? Ah, peut-être. En cas 2000, il arrive, le gars. Oh putain, mais il faut que t'arrêtes. Arrête, tu pourrais même être réalisateur de Gardiens de la Galaxie volume 2. Après, il a pas fait des trucs de ouf, David Hasselhoff, non plus, hein. Non. Mais voilà. L'affaire d'Al remplace James Gunn pour volume 3. Ah merde. Voilà, on n'en dit pas plus sur monsieur Hasselhoff. Enfin bref, vous avez compris. S'il arrive en cas 2000, franchement, je vous la couche. Non. Ah, je te jure. Ce serait tellement énorme. En plus, il est tellement second degré, ce gars. Je le vois trop arriver avec une K2000 volante et tout. Genre. Arrête. Ah, non, mais si. Va le voir. Allez le voir, okay. Le genre. Donc, au niveau du scénario, un petit peu, bah, c'est, voilà, on reprend. Après avoir sauvé Xandar, après avoir sauvé la galaxie toute entière, nous retrouvons cette bande de bras cassés en plein squad. Et en fait, cette mission va pas se passer comme prévu. Et en fait, les enjeux de ce film-là, eh ben, ça va être un petit peu la cohésion, la fraternité de cette équipe, en fait, puisque voilà. Le seul ennemi, en fait, dans ce film, eh ben, c'est plus ou moins eux-mêmes, en fait. Voilà, c'est ce qui est un peu, qui va un peu déstabiliser, je pense, pas mal de monde, parce que finalement, au scénario, si on réfléchit bien, il y a quand même 2h15 de film, ouais. Et ça pourrait se résumer en même pas une phrase, le scénario, et ce qui est un peu dommage. Mais si on regarde bien le film, on s'attache beaucoup plus au caractère de chacun. Et surtout, on en apprend un peu plus sur tous les gardiens de la galaxie. Ce qui nous permet un petit peu de faire une transition, de faire un volume 3, parce que c'est sûr qu'il y en aura un. Ah, c'est annoncé. Même avant qu'il sortait, qui sera beau. Je pense que là, James Gunn s'est dit, on va se faire plaisir, on va s'attarder un peu sur les personnages. Sur certains méchants du volume 1, on va revenir un peu dessus. Et du coup, je pense qu'au niveau scénario, c'est vrai que ça paraît un petit peu creux, peut-être ce qu'on peut lui reprocher. Ok. Une sorte d'illusion de mouvement, en fait, si vous voulez. On a l'impression qu'il se passe. Enfin, il nous vend le truc, genre, ça va être une grande épopée, mais quand tu vas le voir, t'as l'impression qu'il se passe pas grand chose. Alors qu'en fait, si, il se passe des choses au niveau de l'équipe, pas au niveau des enjeux. Voilà, pour juste vous teaser. On n'est pas dans le road trip du volume 1. C'est-à-dire, dans le volume 1, ils s'apprennent, ils sont en prison, et enfin, il arrive plein de choses après. Ils vont sur la tête, Titan. Oui, voilà, Rolando, qui est d'ailleurs un méchant assez charismatique dans le 1. Mm. Et du coup, il se passe beaucoup plein. C'est un vrai road trip, et ce que j'ai beaucoup aimé dans le 1. Dans le 2, on a l'impression qu'il se passe pas grand chose, mais finalement on s'attarde beaucoup plus sur les, et c'est assez bien fait, et c'est pas plus mal. Et j'ai fait la comparaison un petit peu au Avengers 2. Peut-être qu'on aurait pu aimer voir ça un petit peu dans les Avengers 2 au niveau de tous les personnages et pas centré sur un seul personnage, un peu comme la famille d'Hawkeye, en fait. Oui. Après, voilà, il se passe surtout que Hawkeye, c'est pas le personnage le plus ouf des Avengers, quoi. Non, non, du tout. C'est pas, moi, je trouve, il sert un peu à rien, le gars. Hein. Ouais, et enfin, c'est bien ça le problème. Et c'est là, ce qui est bien dans ce deuxième opus des Gardiens de la Galaxie, c'est que chacun a son temps, chacun a son développement de personnage. Par exemple, bon, bien sûr, comme dans une suite, il y a des nouveaux personnages. J'en dirais juste un ou deux parce que le reste, après, j'ai pas envie de spoiler. Ouais. Bien que, allez, dans le premier volume des Gardiens de la Galaxie, on te donne des indices sur les origines du père de Peter Quill, Star-Lord. C'est justifié et c'est amené dans le second volume et je n'en dirai pas plus. Voilà, tout simplement. Et je n'en dirai pas plus sur l'acteur qui joue et sur son rôle qu'il a dans ce film. C'est David Hasselhoff, son père. Non, pas du tout. Arrête, tu spoiles tout, tout à l'heure. Non, rigole. Il y a une bonne vanne sur le chat, Gamora pour l'amour du goût. Pas mal, pas mal. Mais ce qui est génial, c'est que moi j'étais donc j'ai regardé et j'ai l'impression que pour le volume 2, vu qu'ils prennent un peu plus de temps à donner la parole à certains, comme je pense à Drax ou ouais. Tu t'aperçois qu'ils ont un pouvoir comique qu'ils avaient peut-être pas dans le 1 et finalement tu te retrouves presque dans un film où ça rigole beaucoup. Je trouve que par rapport au volume 1, ils sont allés encore plus loin dans les gags, ça marche bien. Franchement, ça marche super là. Moi, j'étais dans une salle où ça rigole souvent. Ah, ça, les situations sont bien trouvées. Et voilà, bébé Groot. Bon, voilà. Et ça, c'est pas une surprise pour personne vu qu'il était tout petit et là, il est un tout petit peu plus grand. Mais voilà, les situations aussi sont drôles. Et ça, c'est tout le génie comique de James Gunn qui s'est fait plaisir. On lui a dit, ben, vas-y à fond sur la carte de l'humour. Dans le 1, ça a plu. Vas-y à fond. Donc, du coup, il y a à fond. Pareil pour l'action, j'ai pas été déçu au niveau action, ça pète de partout, ça donc voilà, tout ce que vous avez aimé dans le 1, vous l'aurez dans le 2. Cool. Donc pour ça, c'est réussi. C'est hyper réussi. Après, il faut pas s'attendre. Je pense que la plupart des gens s'ils suivent un petit peu la saga Marvel, voilà, on arrive dans un stade où dans un an, jour pour jour, il y a Infinity War, première partie, qui va être un petit peu le gros Big Bang au niveau de l'univers Marvel. Ah ouais, le casting va être énorme. Donc je veux juste vous prévenir, il faut pas s'attendre à des révélations, à des cliffhangers de ouf, excepté une scène post générique, une des 5 scènes, parce que là ils ont mis le paquet. Prenez des popcorn, vous êtes qu'à la moitié du film à 2h15 au générique. La scène post-générique a duré 1h40. Ah ouais, voilà, 1h40. Mais pour te dire, je crois que c'est la première fois qu'il y a autant de scènes post-génériques chez Marvel. Le grand maximum, c'était 3 avec Doctor Strange, c'est vrai. Il y en a 5. Là, il y en a 5. Attendez les 5. Il y en a 5, dont 4 qui n'ont pas de matière, c'est juste du fan service, mais il y a la 5e. La cinquième, la pour plus les importante. Fans qui savent, donc plus, attendez la cinquième. Pour vraiment les gros fans de comics, ouais. C'est parce que finalement, c'est ça qui est. Enfin, c'est aussi un reproche. Donc voilà, le scénario est bien, mais il s'attarde. Donc moi, j'ai bien aimé qu'on s'attarde sur les personnages. Mm. Mais c'est vrai que si tu arrives dans le 1, on avançait beaucoup puisqu'on avait vu, il faut bien le dire, Thanos et la pierre de l'infini qui a directement un rapport avec les Avengers. Là. Pas du tout le film, mais on n'est pas du tout dessus, on n'avance pas du tout à ce niveau-là. Ah oui, l'énigme Thanos, pierre de l'infinité, vous oubliez totalement. Là, on est vraiment, il a pris, et je pense que c'est le parti qu'il va prendre pour le volume 3, c'est de prendre l'indépendance des gardiens de la galaxie, ils vont prendre leur propre histoire, vont s'envoler vers d'autres aventures. Mm. Ils vont rejoindre dans ce fameux film, à mon avis, les Avengers et tout. Ah voilà, parce est-ce que les gardiens de la galaxie, les Avengers, ils sont censés se rencontrer? Ils vont se rencontrer. C'est un peu... Ouais, ça va finir. Je pense que il reste juste 2 films du Marvel Universe pour arriver à Infinity War, donc Spider-Man Homecoming, et je pense pas, alors peut-être que je vais être surpris aux scènes post-génériques, je pense pas qu'il aura un lien connecté par Infinity War, mais peut-être pour Thor Ragnarok. Oui, je pense aussi qu'on en saura peut-être plus dans Thor Ragnarok que dans le Gardien de la Galaxie volume 2. Là, on avance pas beaucoup et je pense que c'est fait exprès parce que vu que s'il s'attarde sur les personnages, c'est que à mon avis, le Gardien de la Galaxie volume 3 et même peut-être autre va prendre son propre envol et va avoir sa propre histoire parce que je pense qu'à la base, le Gardien de la Galaxie volume 1, c'était juste pour se connecter avec les Avengers et faire ce final qu'on aura dans 2 ans, c'est ça ? Dans 1 an et demi là. 1 an et demi. Infinity War arrive. Donc je pense que c'était juste ça à la base. Et là, vu que ça a marché de premier, ils se sont dit il faut qu'ils prennent leur envol, donc je pense qu'on aura d'autres aventures des Gardiens de la Galaxie et c'est pas plus mal. Moi, et c'est pas plus mal parce que je trouve que ça met un espèce de temps mort et ça met une nouvelle fraîcheur dans le sens où on se dit il y a eu Captain America qui s'est tatané avec Iron Man, il y a eu Ultron qui a pas été si une grande menace que ça, Je pense aussi c'est un petit peu réparer Marvel Studios un petit peu les attentes que le public a eu en fait. Et là on se dit bon allez, il va y avoir les Gardiens de la Galaxie volume 2, pas d'enjeu énorme, on centre directement sur les personnages et j'ai juste envie de dire Yondu, c'est son film. Yondu, alors pour ceux qui ne se souviennent pas, Yondu, c'est le personnage bleu qui avait une flèche, qui était guidée par la pensée. Oui, d'accord. Oui. Qui est joué par Michael Rooker, qui est un excellent acteur. Oui, carrément. Walking Dead. Oui, carrément, carrément. Exactement. Et ben, c'est son film. Et c'est ça que j'ai adoré, c'est que tu sois un personnage principal ou secondaire, chacun a son propre temps, chacun a son développement. Et même pour les nouveaux personnages aussi, par rapport à Mantis, l'espèce d'extraterrestre avec ses deux antennes, qui est joué par une actrice française. Voilà, je crois qu'il y a deux actrices françaises dans Les Gardiens de la Galaxie, celle qui joue la sœur de Gamora et Mantis. Non, c'est celle de Doctor Who, elle n'est pas française, il me semble pas. C'est celle qui joue dans Assistant du Doctor Who, mais pas de la dernière saison, l'avant-dernière saison. Ah, j'ai. Ok. Donc c'est une actrice britannique. D'accord. Et du coup, on parle de grosses bandes de personnages. En plus, c'est assez risqué parce qu'on a remarqué quand même que, à chaque fois dans les films comme ça, ils prenaient le temps de présenter chaque avant de voir les Avengers. On a eu Iron Man, Hulk, on les a vus tous un peu. Là, ils sont arrivés avec les Gardiens de la Galaxie, on connaissait aucun. Ben oui, voilà, c'est ça. C'était risqué quand même. Donc, ben, c'est pour ça qu'ils refont un peu le chemin, pas à l'envers, mais ils essayent un peu de rentrer dans leur psychologie, de faire un portrait sympa de tous les personnages, parce qu'on ne savait rien d'eux avant. Et est-ce que même c'est pas justement ce qui a fait que le machin, la merde. Comment il s'appelle le film de chez DC là, qui a fait un flop avec Jared Leto? Suicide Squad. Suicide Squad. Est-ce que justement ils ont pas peut-être mis les trucs à l'envers? Est-ce qu'ils auraient pas peut-être dû d'abord faire un film sur chaque personnage et ensuite les. Il y avait peut-être Harley pas Queen. Matière pour certains personnages en Suicide Squad. Non, je sais pas, je pose la question, mais peut-être qu'on se serait plus attaché à Harley Quinn. Alors c'est peut-être dans les tuyaux, hein, s'il y aura peut-être un film pour chaque. Non, je pense vraiment pour DC et Suicide Squad, c'est que, ils sont passés à côté. Et voilà, le portrait de chaque personnage, alors on les sent mal présentés, c'est comme si on les connaissait, voilà, ça a été mal fait, mal introduit, alors qu'il suffisait de regarder les Gardiens de la Galaxie volume 1 et on voyait comment c'était bien fait. En fait, le seul truc qu'ils ont bien pris des Gardiens de la Galaxie, c'est Spirit in the Sky, hein, des Suicide Squad, donc c'est... Mais en fait, ils ont un peu voulu faire pareil, parce que t'as vu la bande son, elle est assez méchante, de ouf, tu tapes, t'as deux CD presque de morceaux. Ouais, mais c'est lâché un peu comme une playlist Spotify. Carrément. Si tu veux, James Gunn, quoi, il a fait le premier Gardien de la Galaxie. Il a réfléchi avec la bande annonce. Voilà, il a réfléchi, il s'est dit, attends, chaque musique aura sa propre scène. Par exemple, Red Bones, Come and Get Your Love, et ben c'est l'intronisation de Star-Lord, un petit peu son passé 80 et le côté extraterrestre. Voilà, David Bowie aussi, pareil. Là, dans Suicide Squad, c'est juste, allez, ok, on va mettre des playlists cool, comme ça, ça sera dans le top 5 de Spotify pendant deux mois, et basta. Avec aucune justification, excuse-moi, tu passes de Creedence Revolver à Eminem on brise un peu le quatrième mur avec cette bande annonce parce que cette bande son parce que elle est carrément dans le film et des fois les paroles sont même justifiées par Star-Lord dans le film donc là on est carrément à un niveau au-dessus au niveau de la bande son. C'est pour ça que des signes n'y arriveront pas si voilà, il n'y a pas des rapports. Puis ça serait trop copié maintenant s'ils font Mais voilà, et puis le fait que ça soit un rapport avec les années 80 et les années 70, voilà, c'est bien trouvé. D'ailleurs, on n'en a pas parlé de ça. Parce que, comme on disait, la bande-son du premier, c'était quand même quelque chose. Alors, est-ce que dans le 2, c'est du même acabit? On trouve des bons doses? Il y a. C'est un peu plus, je dirais, des musiques qui n'ont pas passé la frontière chez nous. Hein. C'est très connu. Je vous en ferai écouter une tout à l'heure. On va s'en mettre une à 20h, dans moins d'une minute. On le fera après, si tu veux. Voilà, et j'expliquerai quelque chose dessus. C'est des titres qui ont beaucoup marché, mais peut-être aux États-Unis ou en Angleterre, dans les pays anglophone. Du coup, nous, on a peut-être un peu moins de références. Nous, ça nous parle beaucoup moins. Mais à les écouter, franchement, elles sont très sympas et c'est toujours un petit peu une découverte de se pencher sur ces nouveaux morceaux. Ça me fait vraiment plaisir. Moi, voilà, il y en a certains qui vont rester dans ma playlist. Donc, c'est toujours sympa. Peut-être un peu moins quand même que le volume 1. C'est ça, ouais. C'est vrai. Hein, ouais. Il faut bien reconnaître. Il y a des morceaux un peu moins emblématiques. Okay. Ouais. Mais voilà, ça reste quand même bien sympa. Moi, je vous le dis, Mr. Blue Sky, vous allez l'adorer. Yes. Je dis juste ça, vous allez vraiment l'adorer. Ça va apporter un autre sens. quand vous allez l'écouter. Enfin bref, je vous en dis pas plus. Mais voilà, si c'est bien amené dans le film et que ça fait corps avec la scène, par exemple. Ah oui, oui, parce que ah, carrément, Star-Lord, des fois, parle de Bowie et tout. Enfin, toi, ça me dresse les poils, quoi. Tu sais, il y a des passages où tu fais putain, le mec, c'est un génie, quoi. Voilà. Le morceau, il en parle carrément de. Alors, et, mais malheureusement, enfin, voilà, pour nous, il y a beaucoup de titres. C'est pour ça que je vous expliquais, mais c'est vraiment très, voilà, resté américain. Donc, coup, c'est ses souvenirs. Surtout que c'est années 70, on commence à une décennie encore en dessous. Alors pour les plus jeunes, ça va être dur de retrouver voilà des références. Et oui, mais il y avait I Want to Back par exemple de Jackson des Jackson 5, ça parle même à des petits jeunes. Et oui, mais maintenant. Quelque part, tu vois, c'est un petit coup de génie juste après on s'écoute le Scud, mais tu vois, t'as les parents qui vont aller avec leurs enfants voir le film, ils seront peut-être pas emballés, qui vont dire oh putain. Ah bah ouais. Ah bah moi oui, j'écoutais ça quand j'avais ton âge. Oui, et voilà, tu vois, ça va créer un lien entre les deux. Carrément. Allez les 20h, vous écoutez toujours La Voix du Geek. On revient dans un instant, on finit un petit peu de parler des Gardiens de la Galaxie volume 2. On parle d'Outlast volume 2. Ah oui, c'est comme ça. Décidément que du duo. Il n'y a que des deux quoi. Et on revient juste après The Chain et Fleetwood Mac. Mais juste après le Scud, on va faire un petit truc avec Tagazu. Il a 2-3 petits trucs à dire. Oui, parce que je voulais vous parler de Fleetwood Mac et The Chain. Et bon, on va écouter le disque avant, puis on va en parler juste après. On en parlera après. Allez, c'est parti, les 20h, vous écoutez toujours La Voix du Geek. On revient juste après ça. Vous écoutez Eau de Radio, écoutez Eau de Radio, écoutez sur 91.3, 91.3. Listen to the wind blow. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez sur 91.3. 91.3. La voix du geek. L'émission 100% jeux vidéo, sur Eau de Radio. Alors on est de retour toujours en direct dans la voix du geek sur Eau de Radio. 91.3 d'Aquitaine et sur eau de radio.net pour le reste de la gueule, oui, mesdames, messieurs. C'est parti. Alors justement, alors on vient de s'écouter un morceau. Ils avaient des touches, les mecs, c'est 70 quoi. Ah ouais. Cheveux longs, la beubard. Fin années 70, c'était comme ça. Hein. Ah ouais, le truc. Eh ben tu sais quoi, le morceau, j'ai trouvé hyper bon et sans déconner. Je suis impatient de voir la scène dans laquelle on l'entend. Elle est pas mal la scène. Ouais. Parce que franchement, je sais pas. Il y a un truc. Il y a un truc. Carrément. Et justement, ce truc, c'est que Fleetwood Mac, c'est pas. Enfin, la chanson, vous la connaissez peut-être pas beaucoup, mais c'est quand même le 9e, d'où est issu ce titre, le 9e album le plus vendu de l'histoire. Donc voilà, nous ça nous surprend parce que Fleetwood Mac on connaît pas du tout, non, et là c'est tout. Le 9e album le plus vendu, et justement sur cette superbe musique. Carrément. Que tu m'as mis du top 50, je voulais vous faire un petit quiz sur les albums les plus vendus de l'histoire. Alors, allez, vas-y. Ouais. Un indice, voilà, c'est pour les plus vieux parce que c'est vrai qu'avec les téléchargements et tout, maintenant c'est un peu plus dur de faire des gros scores au niveau des plus vendus. Ah oui, les albums les plus vendus. C'est pour vous dire, je crois que c'est Adele avec l'album 21 qui arrive qu'à la 12e place. Ah oui. Et c'est déjà un score parce qu'après tu trouves pas dans les 30 premiers, tu trouves pas d'album dans les années 2000, hein. C'est, okay, c'est 90, ça 70, doit coïncider avec l'arrivée de YouTube. Voilà, YouTube et téléchargement. Napster que l'on salue, ouais. Tu as fait beaucoup de mal. Je pense qu'il y a un lien de cause à effet, je pense. Donc quel est le recordman de l'album le plus vendu au monde? Au monde. Moi je dirais, alors franchement, je pense que c'est un album de Michael Jackson. Alors peut-être Thriller. Oui, gagné, c'est Thriller. Yes. Avec 65 millions d'exemplaires quand même. Voilà, donc gros album. Il y avait pas la bande son des la nuit, enfin la fièvre du samedi soir, les Bee Gees. Alors la fièvre des samedis soir, c'est 8e juste, ouais. Devant Fleetwood Mac avec leur album Rumor. Combien de s'écouter. Donc les Bee Gees, bravo Goustic, tu peux envoyer les applaudissements quand même. 8e. Est-ce que Scrog est un petit dans un groupe? J'aurais dit les Beatles. Ouais. Non, moi aussi je pensais que les Beatles étaient dedans. Putain oui. Et non, pas du tout. Les Beatles, leur album Sgt Pepper par exemple est dans 15e place. Tu vois, il est pas dans le top 10. Bah, peut-être des trucs plus grand public. En même temps, les Beatles. Bah voilà, le deuxième est pas très grand public. Vous avez trouvé les Pink Floyd. Suite, les Doors. Les Pink Floyd, t'as trouvé le troisième. Les Pink Floyd. Dark Side of the Moon. Voilà. Yes. C'est troisième. Ouais. Ah, en même temps, cet album, il est. Enfin, regarde, ça me dresse les poils. Voilà. Dark Side. Il y a quelqu'un en deuxième place. D'accord. 50 millions d'exemplaires. Hard Rock, hein, je vous dis Hard Rock. AC/DC. AC/DC. Oh, yes. Voilà. Led Zepp est 11e, hein, et pas loin, il rentre pas dans le top 10. Mais il y a pas les Rolling Stones? Back in Black. Non, il y a pas les Rolling Stones. Putain, c'est y a pas les Beatles. C'est alors peut-être que c'est peut-être l'époque où ça se vendait peut-être moins les albums, dans les années 60, ouais. Parce que j'ai que des titres 70, 90. 90, c'est le quatrième. Alors là, c'est, Nevermind. Non, une BO de film. Ah, des le années Grand 90. Bleu. Non, pas le Grand Bleu. Américain. Voilà. BO de film. Attends, non, années 90. Pulp Fiction. Non, 90. C'est 90, mais c'est pas Pulp Fiction. On est dans les années 90, mais avec Pulp Fiction, fin années 90 quand même. Eh ben, Star Wars, non. Titanic. Non, ça va vous, voilà. Attends, faut qu'on trouve Mario Bros. Faut qu'on trouve une grande chanteuse. Voilà, la BO en fait. Céline Dion, Titanic. Mais Titanic. Non, Titanic est dans les 20e. Ah oui, grande chanteuse, Black. Le prince d'Égypte. Annie Cordy. Elle chante dans le prince d'Égypte, cette chanteuse. C'est là. Bodyguard. Voilà. Ah, Bodyguard. Whitney Houston. Qui arrive quatrième, bravo. Alors, le cinquième, je vous le passe, mais c'est Meatloaf. Ah, bah oui, Meatloaf. Meatloaf est très connu, mais beaucoup, voilà, aux États-Unis, en France, ça, un peu ouf. Moins. Sixième, c'est un best-of. D'un groupe qui pour nous a fait 4 titres. Ah bon? Mais qui passe en boucle, mais merde. Voilà. C'est quoi comme style? Europe? Non. Scorpions? Groupe, ça fait un peu rock. C'est top, non? Rock, mais ils viennent un peu de la country, donc c'est peut-être pour ça que. Voilà. Non? C'est un hôtel, ils parlent d'un hôtel. Ah, les Eagles! C'est Eagles, voilà, Hôtel California. Hôtel California. C'est le best-of. Hôtel California qui est un slow quand même. Il y a des milliers de couples qui sont faits, qui sont créés sur ce morceau, alors que c'est un morceau qui parle quand même d'un bordel. Hein. Où t'y vas et tu peux pas ressortir, tu meurs d'avoir trop fait d'un suicide. C'est terrible. Comme quoi, tu sais, il y a des lacunes en anglais dans ce pays. C'est terrible. Donc après, il y a la vidéo des Bee Gees. Et peut-être que vous avez une chanteuse de country dans les années 90. Shania Twain. T'as eu de la chance. Qui a fait quand même 40 millions d'exemplaires. C'est-à-dire. Voilà ça. Et après, quand même, dans les 20 premiers. Dans les 20 premiers, il y a quand même 3 albums de Michael Jackson. Ah oui. Je vous rassure, hein, quand même, il y a ça. Qui sont dans les 20 premiers. Et voilà. Qu'un album dans les 2011, Adele, quand même, qui a fait, malgré le jugement et tout, qui est arrivé 11e. Joli de vendre tout un morceau des rappeurs et tout, qui sont certifiés disques de platine. C'est bizarre. Ils doivent compter maintenant les téléchargements Lego et tout. Oui, voilà. Je pense qu'ils téléchargent. Sur les achats en ligne et tout maintenant, je sais pas comment ils font, mais alors là c'est vraiment la vente d'albums, voilà, je pense même avec les téléchargements pour peut-être Adele, nombre de streams aussi, hein, nombre d'écoutes, ouais, de streams, hein, je pense, hein, donc après maintenant il compte, faut compter, ouais, autrement, donc yes. Voilà, c'était le point. Non mais carrément vendu. C'était drôle, c'était rigolo. Vous avez encore quelque chose à rajouter sur les Gardiens de la Galaxie ou on enchaîne? Non, si, un petit coup de gueule de Tagazu, doublage français. Alors je vous pousse pas à aller le voir en VO, mais doublage français, dans le premier épisode, il y avait 3 erreurs que j'avais, que tout le monde a parlé après, c'est-à-dire alors le fameux "je s'appelle Groot", ah oui, mais qui vrai. Finalement est rentré, parce que c'est "I am Groot" normalement, ouais, mais finalement que je trouve sympa, c'est-à-dire c'est pas une faute, mais ça donne un petit côté sympa à "je s'appelle Groot" maintenant, ouais. Ma fille dit "je s'appelle Groot", donc je trouve ça un peu plus sympa. Il y avait le Milano, ils ont dit que c'était en rapport avec Alyssa Milano, alors que pas du tout dans le comics, et même apparemment dans la VO, c'est en rapport avec la ville de Milan, où il est allé avec sa mère. Mais donc, c'est quoi le Milano? Le Milano, c'est le vaisseau. Ah, pardon. C'est le vaisseau qu'il a appelé le Milano. D'accord. Voilà, il dit que c'est dans version française, que c'est par rapport à Alyssa Milano, apparemment dans la VO, que je n'ai pas vu, mais dans le comics, c'est par rapport à la ville de Milan. Ok, d'accord. Il devait regarder voilà. Charmed à l'époque. Voilà, donc en version française, ils se sont dit on va faire un truc. Dans les années 80, Lisa Milano, c'était Madame et Servie. Oui, voilà, c'est pour ça. Donc moi, je trouvais que c'était génial. Je trouvais que c'était génial. Donc c'est aussi une. Mais alors, le troisième, dans le volume 1, à un moment, il croise un gars, il fait toi, Jack Sparrow. Pourquoi Jack Sparrow? C'est en 2000, ça n'a rien à voir, Pirates des Caraïbes, il n'y a pas de référence années 80. J'ai même pas relevé, dans le 1? Dans le 1, il y a un gars, il croise comme ça, il fait, toi, Jack Sparrow et tout. Et parce qu'en fait, en plus, Star-Lord n'est pas censé être revenu sur Terre dans les années 90 ou 2000. Alors il y en a qui disent ouais, et qui justifient, il aurait pu se renseigner, mais pas du tout. Donc du coup, dans la version originale, c'est John Stamos de La Fête à la Maison. En fait, il dit John Stamos. Attends, La Fête à la Maison, c'est une série des années 80. Oh, La Fête à la Maison, c'est avec Steve Urkel. Avec les deux jumelles. Ah non, Marie. Olsen, voilà. Oui. Ils en ont fait d'ailleurs des nouveaux qui sont sur Netflix. Voilà, des nouveaux. Ils ont refait un reboot. Je sais pas s'il fallait faire un reboot de cette série. Non. Mais voilà, il y avait le beau gosse de la série et c'était John Stamos. D'accord, et lui, oui, c'est une référence dans la VO à John Stamos. Donc rien à voir avec un peu rocker et tout. Ouais. Voilà. Et là, il a peut-être fait. Ils ont petite dans la version originale et française. Ils se sont dit, un beau gosse et tout. Bah, on va prendre Jack Sparrow. Mais je ne comprends pas. Et là, dans le volume 2, malheureusement, je vais pas spoil, mais ils en ont fait aussi une petite entorse qui est pas du tout dans les années 80, donc pareil, je sais pas ce que c'est en VO. Donc je verrai la VO ce qu'il voulait dire, mais c'est dommage que après la version française essaye. Alors des fois c'est réussi, hein, je s'appelle Groot, je trouve que c'est réussi, ouais. Mais voilà, ils essayent d'adapter aussi dans tous les pays, ça change, ouais, quoi. Mais là c'est carrément pas collé avec l'histoire, ouais, parce qu'il est pas censé être revenu dans les années, ça fait du coup il y a un anachronisme, voilà, un anachronisme, ouais, tout simplement. Yes. Bah en tout cas, les Gardiens de la Galaxie volume 2. Ouais, tu fais bien. Si vous avez aimé le premier volume, vous allez adorer. Après, si vous attendez des grosses exclus par rapport à l'avenir du Marvel Universe, non, c'est juste passer juste un bon moment comme dans le premier. Il y a énormément de références des années 80 dans les films et surtout dans le gaming, et je n'en dirai pas plus. Il y a une référence. Ah, il y a Donkey Kong qui arrive comme ça. Non. Comme dans Pixel. Peut-être le le juste le petit moins, c'est qu'il peut-être que des fois ben il veut en faire trop de références tout, et peut-être que voilà ça nuit peut-être à l'histoire et tout, mais c'est pas voilà, tu passes quand même un super grand moment de cinéma, et franchement moi j'ai passé 2h15 voilà, je les ai pas vus passer et ça rigole tout le temps dans la salle. C'est vraiment ça, c'est les cool. Gags font mouche et c'est sympa. C'est vrai que du coup, on va souvent au cinéma voir des films de science-fiction et tout pour en prendre plein la gueule, ou des films d'action, peu importe. Mais quand tu vas voir une comédie au cinéma, franchement, une des seules comédies, enfin la dernière en date que j'ai dû aller voir, c'était La Vérité si je mens 3, c'est vous dire. Ah ouais, ah ouais. Et en fait, mais vu que tout le monde rigole dans la salle, mais du coup, tu rigoles parce que t'es, même si les vannes sont cheloues, ça t'emmène quoi. Il y a un truc quoi, il se passe quelque chose. Donc franchement, même les comédies au cinéma, ça passe très bien. Et la première, attends, un des premiers films que j'ai vu au cinéma, je regarde Goustique, mais c'était Hot Shot. Oh, avec Charlie Sheen, oh, oh oui. Putain, génial. Et en fait, tu sais quoi, génial. On était tombé dans le panneau parce qu'à l'époque, on était à fond dans Top Gun. Ah bah oui. Et bah ouais, on s'était dit, ah ça a l'air trop cool. En fait, bah, le truc, c'est qu'on n'avait rien compris, on avait 8 ans c'est quoi. C'est la parodie de. Ah bah oui, c'est la parodie côté de le scary movie des années. Oui, exactement quoi. Exactement. Yes, allez, j'envoie une petite virgule. Oh, je m'étouffe. Ah, désolé. Et on revient pour vous parler d'Outlast 2. La voix du geek. L'émission 100% jeux vidéo sur O2 Radio. Deux salles, deux ambiances. Une belle bande son, hein. Évite de te retourner, hein. Je crois que t'as quelqu'un derrière. T'as barré, mais ça, c'est le genre de truc auquel je crois à mort. Tu vois, sur un stream, tu me dis, il y a quelqu'un qui est passé derrière. Je vois une ombre. Ah ouais, non, mais tu sais qu'on m'a déjà fait le coup, hein. Et même moi je suis une flippette de ça, et du coup j'ai été hyper mal à l'aise après. C'est vrai, j'ai eu une ombre dans le couloir. Non non, mais je t'assure, en plus c'est vrai. Bref, alors Outlast 2, c'est édité et développé par Red Barrel. C'est sorti en France le 25 avril 2017. C'est un survival horror aventure entre guillemets, et c'est déconseillé au moins de 18 ans, Dieu merci. Alors juste avant de faire le petit pitch du jeu, est-ce que quelqu'un a fait le 1 ici? Alors il y avait une démo. Oui. Et ben je l'ai fait, mais c'est tout. D'accord. Goustique, Je l'avais fait avec Eiki et on l'avait pas fini tellement qu'on avait les chocottes. Ah ouais. Oui, voilà, il fait très peur. Enfin moi, et toi, Zdrog? Bah j'avais dû refaire les 5 premières minutes, mais mon PC ne suivait pas, donc grosso modo. Ah oui, merde. Bah, putain, c'est pourtant pas bien gourmand. Je voyais avec la caméra, j'avais un petit freeze et là j'avais le pot game over. J'ai dit on laisse tomber. Yes. Alors la particularité de ce jeu, c'est qu'il est sorti dans le commerce, mais il faisait partie aussi de la toute première sélection des jeux gratuits du PlayStation Plus sur PlayStation 4. Mmh. Et pour beaucoup, bah, c'est comme ça que nous, on l'a découvert, par exemple. Et moi, ça a été un total carton pour moi. Le 1, je l'ai vraiment trouvé exceptionnel. Il y a tout. Et pour ceux que ça intéresse, je le redirai tout à l'heure, mais il y a deux films sur Netflix qui s'appellent Grave Encounter. Et le premier, alors le 2, c'est un peu un nanar, mais le 1 est plutôt bien. Et bah, c'est Outlast en film, où c'est des jeunes qui s'enferment dans un asile et qui vont se filmer en caméra nocturne et tout. Et bah il y a des séquences qui sont quand même pas mal, et si tu joues un peu à Outlast en parallèle, eh ben t'as des bonnes sensations. En gros, le gameplay est tout simple, surtout dans le 1, alors je sais plus comment c'était amené, parce que dans le 2 on joue un autre personnage, mais on se retrouve enfermé dans un asile psychiatrique, il me semble, et on est juste armé d'une caméra, et en fait on y voit que dalle. C'est le principe du jeu. Oui, c'est le principe du jeu. C'est qu'il fait totalement tout noir. Va faire tout noir, ta gueule, c'est l'idée quoi. Je crois qu'on était, si je me rappelle un peu, je crois qu'on était un détective privé ou un truc comme ça. On venait pour essayer de retrouver un descendant ou quelqu'un par rapport et à une enquête. Et ça commençait à l'extérieur. C'est ça, on arrivait à l'extérieur, on se retrouvait enfermé avec, on ne savait pas trop, quelques cadavres par-ci par-là qui disparaissaient d'un coup. C'est ça. Et le gros sel du jeu, c'était que justement, on n'y voit que dalle. Et donc, on avait cette fameuse caméra, et en activant la vision nocturne, on avait le droit à une superbe couleur verte pomme qui agresse un peu. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas de mode vert, parce que sinon, je pense qu'au bout d'un moment, parce que tu l'utilises tout le temps. Et donc voilà, on avait cette vue là avec la vision nocturne quoi. Et évidemment, il faut des piles dans la caméra qui s'usent relativement vite suivant le mode de difficulté. Et donc il fallait trouver des petites piles un peu partout pour recharger notre caméra, parce que sinon, alors elle s'éteint jamais vraiment, mais elle clignote beaucoup. Et il y a des moments où ça clignote, puis il fait noir, ça se rallume, il y a quelqu'un quoi. Toi, c'est vraiment des enfoirés, quoi. Et donc, on se retrouve dans les couloirs de cet asile psychiatrique. Et alors, le truc, c'est qu'on n'a aucun moyen de se défendre. Et c'est un reproche que je ferai aux deux, parce que dans le 1, on se fait agresser, certes, par des espèces d'humanoïdes, on sait pas trop. C'est sur fond d'expériences scientifiques, un peu. Donc on, après je spoile pas, mais dans le 1 voilà, on apprendra par la suite que bon, mais et donc voilà, le truc c'est que il y a ces espèces de monstres qui errent comme ça dans l'asile, dans les couloirs, et donc ce sera à nous de nous cacher. Alors on peut ouvrir des placards, on peut se mettre sous des tables, des lits, on peut se mettre dans plein d'endroits comme ça pour se cacher. Donc voilà, ça c'est un petit peu le sel de Outlast, et donc bah évidemment c'est ce qu'on va retrouver dans le 2. Sauf que et moi c'est un gros reproche que je lui ferai, et ben là ils ont voulu pas faire un monde ouvert mais qui se passe relativement souvent en extérieur, et c'est quand même un petit reproche que je lui ferai. L'histoire est un peu différente. En gros, on incarne Blake Langerman, c'est un caméraman qui bosse avec sa femme qui s'appelle Lynn, et eux ils aiment bien les trucs un peu sensationnels, et ils s'aperçoivent qu'en Arizona il y a une femme qui a été retrouvée complètement estropiée et tout, et il s'est avéré qu'elle était enceinte, et ils se sont bien rendu compte que l'enquête de police bah menait nulle part. Donc ils se sont dit, on va prendre un hélicoptère et puis on va y aller nous dans la forêt qui fait flipper, oui, où personne veut y aller nous. Mais c'est trop ça quoi, tu vois. Les filles qu'on pas trouvé, mais nous on va trouver. Ah non mais alors, par contre voilà, le film ça va être cliché sur cliché hein. Ouais. Ah c'est énorme. Et bah vladadam, l'hélicoptère il s'écrase. Oh, ça c'est pas de peau, quel pas de peau. Dans un film d'horreur, dis donc. Et oui, carrément. Et il s'écrase en plus en plein milieu d'un village qui est à moitié sectaire. Et donc ça va être un petit peu ça en filigrane. Ça va être toujours, il y a toujours un côté de secte, un côté religion. Et au bout d'un moment, ça peut être assez lourdingue. C'est pas si vous vous rappelez Resident Evil 4. T'avais justement ce côté-là quand t'arrivais dans l'espèce de manoir en Espagne avec ces moines un peu flippants là. Et là, le souci, c'est que bah, ça va être tout le temps comme ça, en fait. Tu vas tout le temps entendre des mecs qui prient, des trucs. Donc, ça te met dans une ambiance qui, moi, personnellement, me fait pas spécialement peur. Un asile avec des mecs qui ont été modifiés ou on sait pas trop, c'est pas pareil. Là, t'as toujours... C'est des mecs, des moines qui marchent inlassablement avec des pioches. Et voilà, ils te courent après, les gars. Et c'est un peu dommage, je trouve. Bref, en tout cas, pour la petite histoire, c'est ça. Donc, on se retrouve dans les décombres de l'hélicoptère, on farfouille, ça perd l'hypopète, notre femme, elle a disparu. Quoi ? Eh oui. Truc de ouf. T'attendais pas. Et à la fin, tu t'aperçois qu'en vrai, t'avais pas vu le panneau marqué solde, moins 70% avec une flèche. J'ai cru que t'allais nous dire, non, mais en fait, à la fin, elle est. Putain. Non, depuis, j'ai juste. attention. J'ai juste vu ce que t'en as streamé, dont ton pétage de câble 15 fois au même endroit sous la moissonneuse pâteuse. Ah oui, c'est vrai. Oh putain. Bon, on va en parler de ça aussi. Mais non, c'est le jeu est quand même assez chaud. Mais et donc voilà, donc patatras. Et donc on trouve notre caméra. Et puis bon, on se dit, ben ma meuf, elle a disparu, donc ce serait peut-être bien qu'on la retrouve quand même. Et donc tu traces. Et là, un truc qu'il n'y avait pas dans le 1. Tu te retrouves absorbé dans un espèce de truc. Pirouette scénaristique. T'es dans un lycée. Eh ouais. T'es dans un lycée. Il y a des casiers, et tout machin sur les côtés. Donc tu J'adore la bande son, par contre, est ouf toujours, quoi. Ils mettent le paquet à chaque fois pour les ambiances comme ça. Dis-toi, à tel point que Nino, donc mon fils, faisait la sieste, et des fois t'entends des cris, des pleurs et tout. Et je te dis, oh putain, c'est lui ? Puis t'enlèves le casque, puis t'entends rien. Mais en fait, c'est dans le son, tu vois. T'entends bien que derrière, ils ont mis des pleurs de femmes, des trucs un peu chelous, tu vois. Et donc, on se retrouve dans ce lycée, et on se prend une vague de sang en pleine gueule, un truc de ouf. C'est immonde. Alors attention, voilà, le jeu est tout en surenchère de gore. Et on prend cette vague en plein visage. Ça nous emmène, on fait de. Et hop, on se retrouve dans l'hélicoptère. Ok, ouais, on dirait un épisode X-Files quand même. Ah oui, non, mais à mort. Il y a des références partout comme ça. Et donc, eh ben, on ramène notre caméra, on décide de traverser un petit village. Alors, faut imaginer le décor, c'est des vieilles maisons, des champs de maïs. Comme l'Arkansas, en fait, bah, l'Arizona, quoi, l'Arkansas, des champs de céréales, avec des éoliennes qui tournent, voilà, des petits villages et tout. Et donc, on se retrouve là-dedans, à essayer de s'en sortir et de retrouver notre femme. Et c'est tout. Et en fait, on va avancer comme ça. T'as une fausse sensation de liberté, parce qu'au final, tu dis, ah cool, il y a un chemin, mais à ma droite, il y a un champ de maïs, à ma gauche, il y a un petit village. Tu fouilles une maison. La seconde, tu te rends compte que les portes sont fermées. Tu traces dans le champ de maïs, tu fais quatre pas, mais tu te rends compte qu'en fait, il y a un grillage. Donc au final, c'est une fausse sensation de semi-liberté. Et donc, ça finit toujours en entonnoir, en fait. Et donc, tu peux jamais te tromper, et puis, tu finis. On dirait qu'il y a quelqu'un qui frappe à la porte, quoi. Ouais, c'est hyper impressionnant. Ouais. C'est le but du jeu en même temps. Plus, avec le téléphone qui sonne là depuis tantôt, c'est horrible, quoi. Ouais, oui, carrément. Mais ouais, je. Oui. Mais, et donc voilà. Donc on avance là-dedans et puis il y a toujours le même gameplay. On est armé de cette caméra, on n'y voit rien. Faut trouver des piles et puis c'est à peu près tout. Sauf que là il y a une petite nouveauté. Alors je m'en suis servi une seule fois. En fait il y a un micro sur la caméra et en gros en l'actionnant, en fait on entend à travers les murs. Et en fait on entend, ça fait monter un potentiomètre et plus il est haut, plus on va dans la bonne direction. C'est ça le truc. Et puis c'est tout en fait. Et c'est bien là le problème. Parce que graphiquement, c'est pas ouf. Parce que bah du coup, ils en jouent vachement, mais il fait tout le temps noir. Donc tu ne vois absolument rien. Oui, il y a de la facilité aussi. Non, oui. Alors, t'as des intérieurs qui sont relativement corrects, mais c'est pas non plus. Le jeu est à combien Alors, c'est ça qui est intéressant, et c'est un ça. Je me suis fait pas arnaquer, mais j'ai halluciné. En fait, vous le trouvez dans une collection qui s'appelle Trinity. En gros, dedans, il y a le 1. Il y a le Whistleblower, donc c'est le premier DLC, enfin le DLC du premier épisode, et le 2 pour 49€. Après voilà, le truc c'est que les sensations sont là. Tu sens le côté oppressant. Il est pas vendu tout seul. Non, en démat. Ah. Et ouais. Combien en démat tout seul 29 ou 39. 39 je crois. 39 et 49 avec la compile. Donc moi je vais le revendre, sachant que dès que le 2 je l'ai fini, j'ai pas aimé. J'ai déjà le 1 en démat et j'avais acheté le DLC. Si j'avais su que c'était la collection, en fait, j'ai pas fait gaffe, quoi. Je pensais que c'était que le 2 et, putain, dans la bagnole, je regarde Trinity. Je vois le 1, je suis la merde, putain. Bon, en même temps, j'aurais pas acheté en démat, sinon j'aurais été vraiment vénère. Mais voilà, donc voilà, graphiquement, si, il y a des intérieurs qui sont sympas, on va visiter des églises délabrées, des cabanes. Là, actuellement, j'en suis au bord d'un lac, c'est une espèce de mer d'huile. Je sais pas, faut que je trouve un radeau, quelque chose, parce qu'il se noie. J'arrive au milieu, il se noie. Donc, il y a, ouais, je sais pas. Et puis c'est tout au final. Tu te retrouves à toujours avancer, à chercher la sortie, et puis on te court après. Mais ça s'arrête là en fait. Et puis je sais pas, il y a pas de sensation d'oppression comme il pouvait y avoir dans le 1. Dans le 1, on a fait des streams dessus, mais on a passé 5 minutes enfermés dans un placard. Et t'as pas envie d'en sortir quoi, parce que t'entends que ça gronde, t'entends des chaînes, t'entends des trucs. Ouais, mais là, c'est peut-être le fait aussi que dans le 1, t'étais dans un Dans l'hôpital psychiatrique, t'étais bloqué dedans, tu savais que t'étais dans un bâtiment bloqué tout, que là, comme tu dis, t'as la fausse sensation de liberté, tu te dis, ça commence un peu trop à bouger vers moi, je vais me planquer au milieu du champ de maïs. Mais c'est ça. Et puis t'attends. Je contourne. Alors le truc, c'est qu'en plus, vu qu'on est en extérieur, t'as tous les ennemis qui sont armés de lampes torches, il y a des séquences qui sont quand même pas mal. Tout à l'heure, je traçais, j'avais même pas ma caméra, parce qu'à un moment, on te la vole, et j'avançais un peu comme ça, les bras devant, tu vois, dans la forêt, tu vois rien, en fait, c'est tout noir. Et en fait, je suis tombé dans un trou d'eau. Et tu ressors la tête et il y a un mec qui arrive en fait avec sa lampe torche, il éclaire partout. Et donc toi en faisant L2 ou R2, tu peux juste sortir un peu la tête de l'eau comme ça. Et en fait, tu le vois toi à travers l'eau et c'est lui qui t'éclaire en fait. Et donc tu nages comme ça en suivant sa lampe mais à travers l'eau. Ça, je trouvais que c'était pas mal. C'est un bon délire de mise en scène. Bon délire. Ça, on va pas passer une heure dessus hein, parce que franchement, moi je vous l'ai dit, je l'ai pas trouvé ouf. Il y a pas grand-chose à rajouter, vraiment pas quoi. Ce que j'ai aimé, c'est l'ambiance parce que clairement, avec une bande son pareille, voilà, tu joues tout seul. Le truc, c'est qu'il y a des scare jump, donc c'est, alors on en parle souvent, mais pour les auditeurs qui sauraient pas, c'est quand un son est très fort d'un coup, ou une silhouette passe, ou un truc qui nous surprend. Là, en 7 ou 8 heures, il y a un truc qui m'a fait peur à un moment. Ah, ouais, c'est pas super. Parce que la musique a été hyper forte d'un coup. Ça fait. Tu le connais bien, ce scare jump, quoi. Surtout qu'il n'y a rien, tu vois. Genre, t'ouvres une porte, il y a un corbeau qui s'envole. Voilà, mais tu vois, celui-là, il est, on le voit tout le temps, celui-là. Mais le son est tellement fort que si tu fais pas un bond sur ton siège, c'est que t'es sourd, en fait. Non, mais c'est vrai. Et puis la bande-son que j'aime bien aussi. Mais dans les plus, voilà, c'est tout ce que j'ai, quoi. Je me suis ennuyé de ouf. Mais alors, est-ce que ce n'est pas parce qu'il souffre d'une comparaison avec un autre jeu que tu as fait récemment? Eh ben justement. Oh là là, comme c'est bien amené. Oh, comme c'est ça. Bien amené. Oh mon Dieu, comment c'est pas préparé du tout. Putain, on dirait une vraie radio. Quel professionnel. Le bon timing, dis donc. Non, carrément. Bah justement, si, voilà, on s'est fait Resident Evil 7 récemment. C'est vrai que Resident Evil, c'est quand même le jeu qui a placé certaines bases. Et puis le 7, et ben voilà, c'est un FPS. Les deux jeux jouent clairement dans la même cour, sauf que Resident Evil 7, lui, propose la version en VR. Et ça, ça flippe sa mère, quoi. Ben oui, c'est assez terrible. Et surtout qu'en plus, c'est très bien fait, c'est propre et tout. Alors, il y en a tant qui fait, on l'a bien vu que t'avais pas aimé. Oui, tu m'étonnes, j'ai pas arrêté de gueuler sur les streams. Je suis là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais le truc, c'est qu'en plus, tu sais pas où tu vas. Donc, t'avances tout le temps à tâtons comme ça. Et puis, genre, le gars, il s'accroche à des cordes, il dévale des falaises, il escalade des trucs. Et il peut pas sauter par-dessus un rondin, tu vois. Tu sais, c'est clairement pour t'emmener dans un endroit bien, tu vois. Comme la phase qui m'a fait le plus marrer, c'est quand t'es sous la moissonneuse. Bon, alors je vais par là. Ah bah non, elle me rattrape. Bon, j'essaye en courant. Non, elle me rattrape. Je me planque en dessous. Non, elle me rattrape. Et ouais, non, parce que t'es poursuivi par une bestiole qui t'attrape. Mais elle t'attrape tout le temps. Et en fait, il y avait un petit trou dans un. Mais le truc, c'est que vu que tu vois rien, bah si tu passes pas la caméra comme ça en vitesse pour voir avec la vision nocturne, tu trouveras jamais la sortie. Et le truc, c'est que tout se ressemble. Bref, mais non, clairement, Resident Evil 7 est nettement meilleur. Il y en a tant, il fait Resident Evil 7 est mieux et plus rythmé. Mais clairement, clairement, il se passe, enfin, ça avance quoi. Là, le truc, c'est que oui, tu as l'impression de fuir un truc, mais tu sais pas ce que c'est. En fait, tu fuis parce que t'as un truc derrière toi qui te suit tout le temps. Mais tu sais pas ce que tu cherches vraiment en fait. Il y a ta femme, alors il y a des tonnes de collectibles. Alors t'apprends que en fait ce serait la réincarnation d'une déesse du village, tu vois. C'est hyper alambiqué, quoi. C'est un truc de ouf. Mais je pense que après c'est Outlast est quand même un jeu à pas gros budget non plus. Ah non, faut pas confondre. Voilà, faut pas confondre. Et je pense que Resident Evil justement était des jeux à gros budget, ils se sont inspirés justement de ce genre de jeu. C'est pas jeu. Le même passif aussi. Donc voilà, Outlast et tout pour essayer de retrouver un second souffle à la licence. Donc du coup, quand t'as les moyens, c'est peut-être pour ça que c'est mieux fait. Mais le Outlast 1 qui est quand même sorti avant le Resident Evil 7 est nettement meilleur. Qui n'avait pas qui n'avait pas un gros budget, même je crois moins que le Outlast 2. Ah oui, largement. Et qui était bien plus. Mais c'est une tuerie. Même en regardant des streams. Franchement, oui, j'avais fait la démo pour comparer, j'ai regardé les streams, quelques streams de Outlast 1 que l'Infernal a fait et ceux d'Outlast 2. Franchement, sur les 10 premières minutes, quand il n'y a pas encore vraiment d'opinion, je flippais bien plus sur le Outlast 1, alors que largement. On n'y joue même pas que sur le Outlast 2. Ouais. Donc, là, effectivement, il y a un problème. Il y a Nathan qui nous dit Alien est mieux aussi dans le genre, Alien Isolation, que je vous conseille. Moi, c'est mon jeu, un de mes jeux préférés de Survival Horror. Donc voilà, ce que je reproche, et en fait c'est à double tranchant, c'est qu'ils ont voulu ouvrir un peu le terrain de jeu. Alors certes, il y a toujours la lune en fond qui nous éclaire un peu, mais au final t'avances et tu suis le chemin, puis t'entends une voix sur ta droite qui fait tu fais bon, je vais peut-être un peu plus vers la gauche. C'était Jean Lassalle. Ouais, c'est Jean Lassalle. Ah, tu es un ours. Et Jean Lassalle, il a dit, moi, dans mon programme, eh ben, on aura le droit de conduire avec 10 grammes. Je n'ai pas peur. Eh ben, ta gazou, tu boiras moins, et puis c'est tout. Voilà. C'est parce que moi, j'ai combattu les ours et les loups. Voilà. À main nue, quoi. Non, mais donc, c'est Jean Lassalle, voilà, qui est dans le truc. Non, mais voilà. Donc, c'est moins étouffant, et du coup, c'est moins anxiogène, quoi. Parce que voilà, ce qui est anxiogène, c'est le côté recroquevillé sur toi, où t'es en boule et tu pleures ta mère au fond d'un placard. Ce qui n'est pas le cas dans celui-là. Il y a beaucoup de morts inutiles, je serais tenté de dire, parce que c'est un vrai die and retry, quoi. C'est t'y vas, bim, tu. Ah oui, le truc c'est que tu peux pas te défendre. Les mecs, ils ont des pioches. Donc souvent, t'y restes. Hein. C'est vrai que comparé au 1 où t'avais quand même, si tu commençais à te faire choper mais que t'étais dans un passage, t'arrivais quand même à te dégager un peu pour avancer et tout. Que là, j'ai l'impression que tu as moins de cachettes de ce que j'en ai vu. Ah oui, non, tu peux te planquer dans des troncs d'arbres, dans des souches. Voilà. Et tu regardes par le petit trou, c'est comme dans les dessins animés. Tu vois le cliché de la souche d'arbre avec le trou, là toi. C'est ouf quand même. Et je pense que ça, c'est parce qu'il n'a pas appris auprès de Metal Gear Solid, de Solid Snake. Il n'y a pas assez de carton qui traîne sur la map. Il n'y a pas de défense, donc ça m'a vite gonflé aussi. C'est vrai que tu te sens. Alors. Ça joue aussi sur le gameplay. Dans le 1, t'as pas de batte, de pistolet, de machette, de n'importe quoi. Ça joue aussi sur la sensation d'être à la merci de quelqu'un. Mais là, c'est trop violent par rapport au reste, je trouve. C'est pas cool. Et puis alors, on n'y voit rien. Alors ça, c'est dans les moins. On n'y voit que dalle. C'est un truc de dingue. Tu mets la luminosité à fond de ta télé du jeu, mais eux, ils ont décidé que ce serait tout noir, c'est tout noir. Ah non, mais c'est un truc de ouf. Et donc il y a énormément de passages où tu tâtonnes comme ça, tu sais pas parce que t'as plus de piles. Puis tu cherches, ça prend 10 minutes, un quart d'heure. Puis il y a un trou dans le grillage que t'avais pas vu. Voilà. C'était bien, hein. Bah, ça donne envie, hein. Non, non, ouais. Outlast 2 sont des, enfin, franchement, je suis hyper déçu. Vraiment, vraiment. J'en attendais énormément. Et en fait, bah, il est pas bon, quoi. Donc, attendez, il sera sûrement offert aussi, peut-être un jour, où il va sûrement baisser. Alors après, clairement, c'est un jeu en, un peu à la mode, entre guillemets. Tu vas sur Internet, il y a que des gamins de 14 ans. C'est un jeu déconseillé aux moins de 18, je le rappelle. Qui s'amusent à se faire peur, qui font des vidéos, des let's play. Il y a tout le monde, même des professionnels du jeu vidéo, qui, tout le monde y va de sa petite vidéo YouTube. Ouais, avec des amis. On joue à se faire peur, machin. Puis ils font semblant d'avoir peur. J'ai horreur de ça, ça m'énerve. Enfin, c'est vrai, hein. Oui, ils exagèrent. Ben, toujours, ils grossissent le trait. Ah! Ben ça va, y a rien. On embrasse Carole Quintaine. Ouais, je voulais pas la citer. Mais non, non, mais dans l'idée, pas de problème en ce moment. Alors arrête, on fait une couche. Non, non, mais pardon, tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc moi, j'ai pas trouvé ça ouf. Alors comme je l'avais dit déjà à l'époque de Resident Evil 7, le truc c'est que je suis pas spécialement impressionnable en fait. C'est pas les scare jump. Bon, enfin, c'est évident que tu sursautes. C'est tellement fort le son d'un coup que oui, ça te fait peur. Oui, c'est évident. Mais moi, celui-là, c'est pas, il n'y a pas la même oppression qu'il peut y avoir dans le 1. Voilà, vous savez tout, chers amis, chers auditeurs, sur Outlast 2. Voilà, moi, je ne l'ai pas trouvé ouf. La semaine prochaine, on fait quoi? On se fait Little Nightmare, tiens. Ah, mais t'as pas fait la note sur une échelle de petites saucisses. On est sur une demi-knacky ball. Ah, c'est pas beaucoup, ça. Ouais, c'est non, non, franchement, je suis hyper déçu. En plus, on en a parlé longuement ici, c'était un jeu qu'on attendait tous. La bêta était pas mal. Bêta était cool parce que. Parce que on avait faim. Non mais clairement, hein. Parce qu'on avait faim. Et puis finalement le jeu est pas bon. Pétard mouillé. Ah, carrément. Donc je vais le finir parce que je suis pas. Il doit me rester une bonne demi-heure, une heure. Je vous raconterai la semaine prochaine. Parce que y a quelqu'un qui vient de passer à la fenêtre. C'est normal. C'est normal. Un parc. Ah oui, mince. Il faut leur jogging. Il y a des bêtes. Oh mon dieu. Non non mais carrément. Donc oui, la semaine prochaine, Little Nightmare, et puis je sais pas ce que vous voulez, on peut parler de tout et n'importe quoi. Un débat, faisons. Allez, un débat. Encore un débat, c'est parti, pour ou contre le slip à poche? Oh bah, ah, pas mal, contre. Pas mal. Ah bon, contre, non, direct. Il y a Alien aussi qui arrive demain, là, Alien The Covenant. Donc, ah oui, le dernier film. Ouais, mais moi je peux plus aller au cinéma maintenant, c'est foutu. Ah ouais, bon bah je te trouverai un lien streaming. Alors. Non, bah alors, ou alors tu viens, tu gardes Nino et nous on va au cinéma avec Zezette. Sinon tu laisses Zezette à la maison et t'emmènes. Ah, pourquoi j'irais pas au ciné tout seul, tiens? Ouais, bah tiens. Tu laisses Zezette à la maison, t'emmènes Nino avec toi. Surtout Mélanie aller voir Alien au cinéma, je t'explique pas, quoi. Putain, laisse tomber, hein. Je me rappellerai, tiens, qu'on avait été voir Piranha 3D, hein. Oh là là, mon dieu, ouais. Bon, en même temps, on a cherché. Pire. Ouais. Il y a John qui fait, vous avez vu aussi la rumeur d'un Witcher 4? Ah non, pas du tout. Après, faut pas qu'on tarde à rendre l'antenne, parce que je suis sûr qu'ils nous écoutent, en plus. On leur fait un coucou. On envoie les applaudissements. Ils doivent être en train de se préparer. Pour faire le concert de ce soir, la semaine prochaine aussi, un concert en direct d'Embarrassé la Grave. Ça va être cool. Et c'est le blé de Tagazou, mesdames, messieurs. Oui. Ouais. C'est génial. Embarrassé, venez-y. Encore Jean Lassalle, t'es partout, le gars. Yes. Oh, que d'imitations ce soir. Ouais, bon, la semaine prochaine, on se fait un petit débat. Tu vois, on fait ça, puis on parle de Little Nightmare. Et voilà. Et puis, on sera le combien? Le mardi d'après, on parlera un peu du BGF. Gros événement qui arrive. Cette année, le Bordeaux Geek Festival, ça va être quelque chose, que ça soit pour l'émission, pour chacun de nous, enfin, ça va être un truc de ouf. Si vous êtes dans la région bordelaise, mais même, voilà, parisienne et tout, ça vaut le coup quand même de se déplacer pour le BGF, je pense. Ah oui, clairement, clairement. C'est un événement, qui va envoyer du pâté cette année. Surtout donc, on va en parler. Je crois que, aujourd'hui, le programme est sorti officiellement sur sur le site et tout. Carrément. Ah, ça y est, les guests, c'est bon. Enfin, tout ouais. Est, quasiment toutes. C'est bordeauxgeekfestival.fr. Si je dis pas de bêtises. Eh bien, geekfestival.fr. En plus, il n'y a pas que le Bordeaux Geek Festival, il y a aussi la foire internationale qui est juste oui, à côté. Vrai. Alors, vous pouvez faire une petite bifurcation entre le pot brésilien et les cosplays Star Wars. Allez-y. Non, non, mais en plus, moi j'adore la foire internationale. Franchement, moi, un de mes rêves, ce serait d'aller au concours Lépine. Ah, parce que moi, ce que j'adore. Avoir une idée quand même. Il faut faire. Non, non, mais pas. Enfin, en tant que visiteur. Ah, je veux dire. Ah non, bah, pas faire le concours les pimes. Ah, oui, moi. Oui. Mais en fait, j'ai pris une antenne de voiture. Ah, au bout, j'ai mis une fourchette. Voilà, c'est ça. Fourchette télescopique. C'est génial. Non, mais un truc comme ça. J'ai fait mieux. Une canne à pêche avec une fourchette, vous, mesdames, messieurs. C'est formidable. Non, non, mais tu vois, j'adore. Moi, c'est les camelots. Tu vois, tu vas à la foire internationale, t'as un mec là, et le mec d'en face, ça va être celui qui aura l'éponge magique qui lave le mieux le dos. Tu vois ce que je veux dire? Ah, j'adore, moi ça me fait tellement rire. Bref, allez, passez une bonne soirée à l'écoute d'Odeur Radio. Là, dans un instant, il y a un concert dans 20 petites minutes. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Bisous, bye bye. Le replay demain en ligne, iTunes et PodCloud. Bisous, ciao. Ciao. Ciao, ciao. La voix du geek. L'émission 100% jeux vidéo sur O2 Radio.